6h01, qu'on amène le coq. Et qu'on le fasse chanter. Chanter. Chanter. C'est vendredi aujourd'hui, c'est le week-end qui arrive, soyez les bienvenus sur Énergie. Toute l'équipe de Ouin-Ouin est là avec un Ouin-Ouin plus faible que les autres. Ouais. Un Ouin-Ouin qui est passé à ça d'un destin terrible. Ouais, c'est vrai, hein. Mais il est en vie quand même ce matin. C'est Glandu, nous allons vous raconter son histoire, ce qui lui est arrivé hier après l'émission. Ouais. Glandu pourrait ne pas être là avec nous, mais pourrait avoir mis un terme à sa carrière hier suite à cet accident terrible qui lui est arrivé. Tu me dois 20 euros. Oh, c'est pas parce qu'il a plus de jambes qu'il me demandera pas ses 20 euros. On vous explique ce qui est arrivé à Glandu juste après les infos. Il y a Calvin Harris qui arrive, il y a aussi le dernier, il y a Aya Nakamura et les concons du jour dont Glandu fait partie. C'est dans 10 minutes. Tout de suite les infos. L'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Encore une très belle journée en perspective côté ciel. Le soleil s'impose largement encore une fois aujourd'hui. Un peu de grisaille sur la pointe nord et sur les Pyrénées ce matin, mais ce sera beaucoup plus lumineux cet après-midi. 17 degrés attendus à Lens, 19 au Havre, 21 à Toulouse et Quimper, jusqu'à 22 pour les maxis à Albi. Ce week-end, du bleu et de la douceur sur tout le pays. Et dans l'actu ce matin, le dernier cadeau de Johnny à ses fans, un ultime album, Mon pays c'est l'amour, est sorti cette nuit à minuit. Près de 500 clients se sont rués dessus, par exemple à la Fnac des Champs-Élysées, ouverte pour l'occasion. Une écoute publique en pleine rue a même été organisée par la plateforme Deezer. C'est un peu le casse-tête pour des milliers de collégiens et pour leurs parents. Chaque année, trouver une place pour le fameux stage d'observation en entreprise, eh bien ça devrait être un peu plus simple désormais avec une plateforme nationale lancée hier. Rendez-vous sur monstagede3e.fr avec près de 30 000 offres proposées par les administrations et les entreprises. Du jamais vu dans l'histoire de la loterie, 900 millions de dollars. C'est ce que pourrait bien remporter un Américain très très chanceux aujourd'hui. Le jackpot s'est envolé ces derniers jours avant le tirage du méga million, un loto commun aux 44 États américains. La somme en jeu proche du milliard donc établit un nouveau record mondial. L'an dernier, une mère de famille avait déjà touché près de 760 millions. Un peu moins cher, tout aussi beau, Apple lance aujourd'hui les ventes de son iPhone XR, le cousin de ces deux derniers modèles sortis mi-septembre. Il se veut surtout plus accessible avec un prix autour des 860 euros contre plus de 1100 euros pour les autres. L'écran et l'appareil photo sont un peu moins high-tech, mais ils se déclinent en plusieurs couleurs. Ramener la coupe à la maison, elle aussi, elle en rêve. L'équipe de France féminine de foot n'aura même pas besoin de se déplacer puisque la Coupe du Monde se jouera directement chez nous l'été prochain. La vente de billets ouvre aujourd'hui à 15h avec un pack par exemple à 25 euros pour 3 matchs et 50 euros pour assister aux demi-finales. Les rencontres se joueront d'ailleurs un peu partout, comme à Lyon, au Havre, à Grenoble, à Reims ou encore à Valenciennes. Toujours en foot, la Ligue 1 revient ce soir. On joue la 10e journée avec Lyon-Nîmes à l'affiche à partir de 20h45. Demain, le PSG recevra Amiens et Monaco se déplacera à Strasbourg avec son nouvel entraîneur Thierry Henry. Elles ont purgé leur peine. Pour notre plus grand malheur, les prisonnières d'Orange is the New Black se préparent à raccrocher leur combinaison. Netflix vient de confirmer que la 7e saison attendue l'été prochain serait bel et bien la dernière. Plusieurs actrices ont pris le temps de poster une petite vidéo pour annoncer la nouvelle aux fans sur Twitter hier. Depuis son lancement en 2014, la série était la plus suivie dans le monde derrière Game of Thrones. Voilà pour vos infos. 6h05, on retrouve Manu dans le 6-9 tout de suite. Rendez-vous à 6h30 pour l'actu. Bon réveil sur Énergie. En pleine forme. Bonjour Paulette. Salut. Bonjour Glandu. Sur une jambe. Bonjour Nico. Bon week-end. Et bonjour papa. Je ris. Allez, ça commence. Je ris parce que vous avez entendu Glandu dire sur une jambe. Ouais. Oh là là. Il faut qu'on vous raconte pour démarrer l'émission l'histoire qui s'est passée hier. On peut rire. Ouais, on peut rire maintenant. Mais on ne peut pas se moquer. Non. Ah non. Bah ça, non, on se moque pas. Exceptionnellement pour Glandu aujourd'hui. Non. On va vous raconter ce qui s'est passé hier après l'émission hier à 9h30. On va écouter Calvin Harris dans 2 minutes, juste après c'est les concours du jour. Donc Glandu pourrait largement faire partie. Mais arrête. Hier, à la fin de l'émission, quasiment à la fin de l'émission, on a parlé de moments où on était fiers, de moments où on se disait, ah là, je suis fier de moi. Et Glandu a dit, quand j'arrive à battre l'ascenseur et que moi je suis en escalier, arriver plus vite que l'ascenseur à pied. Ouais. Je lui ai dit, ok, chiche, on fait un pari. Il m'a dit, ah, carrément, on parie 20 euros. Oh là ouais, j'étais chaud. J'ai dit, bah, prendre 20 euros à Glandu, c'est toujours un petit plaisir. Oh. Donc du coup, hier, tout de suite après l'émission, et on l'a fait en Facebook Live, vous pouvez aller voir la vidéo sur notre page Facebook, et ben, je me suis mis dans l'ascenseur avec Paulette, avec Isa, avec Nico. Ouais. On est au 6e étage ici, on est allé jusqu'en bas, on est remonté. Le but, c'était d'arriver avant Glandu, ou peut-être que Glandu allait arriver avant nous. Ouais. On est parti en même temps, on est arrivé au zéro, on a ouvert la porte, personne. Ouais. On a même attendu un petit peu. Ouais. Bon, on est remonté au 6e. Arrivé au 6e, personne. Yes ! On a gagné ! Et on attend. Et on attend. Et on attend quand même 3-4 minutes. Et là, on se dit, c'est pas normal. Non. Que Glandu, même si on sait que physiquement il a une constitution de lapin. Oh, c'est pas vrai ça. C'est quand même pas normal que Glandu ne remonte pas. Du coup, on est redescendu. Et là. Glandu, je te laisse raconter toi-même ce qui t'est arrivé. Alors j'étais allongé, clairement, puisque du coup, dans cette cour, j'étais très bien parti. J'avais vraiment une très bonne allure en descente. Je croise des gens, je criais écartez-vous, je descends. Arrivé tout en bas au rez-de-chaussée, il y a une porte à ouvrir. Donc je me concentre sur l'ouverture de la porte. Et en voulant. Quelle concentration sur une ouverture de porte. On va vite et tout dans la précipitation. Oh, bien sûr, oui. Et je vais ouvrir la porte et du coup, et bah, fatalement, je rate la dernière marche. Là, mon pied se tord et je m'effondre au sol. Et là, je sens une douleur assez énorme. Et donc, je me traîne jusqu'au hall d'entrée. Je rampe. Oh là là. C'était ridicule. Le Game of Thrones du pauvre. La bataille nulle. Là, il y avait les premières personnes qui arrivaient au bureau. Je dis, j'ai mal. Et on me dit, c'est une blague. Au début, les gens croyaient que c'était une blague. Je dis, non, c'est pas une blague. Je me prenais des portes dans la tête parce qu'il y avait des gens qui ouvraient des portes. Bref, je me fais porter, je m'allonge dans le canapé. Là, vous arrivez, vous moquez bien de moi. On me donne un coca parce que j'ai failli tomber dans les pommes. Ouais. J'ai été porté, j'étais tout blond, j'étais pas bien. Là, on appelle le Tu l'as remboursé le coca ou pas? Non, on me l'a offert. Okay. Ça vous rajoutera ça au pari de 20 euros du coup. Alors, à ce moment-là, on arrive, on le voit allongé. Bon, évidemment, on déconne, on rigole. Ouais. On regarde quand même si la cheville était droite ou cassée. Et on se dit, ah, peut-être cheville cassée pour Glandu. Alors, on appelle les pompiers. Ouais. Qui, eux, au téléphone, comprennent que c'est peut-être pas grand-chose et que Glandu en fait un petit peu trop. Non, j'exagère pas. Et donc, t'as été à l'hôpital? J'étais porté en taxi. Et du coup, j'ai passé 3-4 heures en urgence, la classique des urgences. Et le médecin n'a pas compris mon problème. Comment ça? Je lui explique ce qui se passe. Et il ne comprenait pas qu'on puisse faire une course contre un ascenseur. Il ne pouvait pas le concevoir, en fait. Et donc, il m'a fait expliquer 3 fois. Il me dit, mais comment ça? Il me dit, vous me dites accident du travail. Mais c'est pas possible, une course contre un ascenseur. Mais attends, c'est un vrai problème qu'on a là. Mais oui. Parce qu'ils ne peuvent pas considérer que c'est un accident du travail lorsque sur ton lieu de travail, tu fais une course en escalier contre une équipe en ascenseur qui fait un Facebook Live. Ouais, c'est vrai. C'est ça, exactement. Et ça l'a un peu énervé. Bon, bref, je vais faire des radios. Il me dit, il va peut-être falloir vous opérer. Après, donc, avant la radio, il me dit ça. J'étais mort de peur, moi. Ah oui. Au final, radio, tout se passe bien. Bon, ils m'oublient une heure entre temps. Ils avaient oublié que j'étais là. Et à un moment, je me manifeste pour aller aux toilettes. J'étais sur un petit banc tout seul dans une salle d'attente. Oh, pauvre chouchou. J'ai dit, s'il vous plaît, je peux aller aux toilettes. Et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites encore là? J'ai dit, bah, j'attends le résultat de mes radios. Ah merde. Il m'avait oublié. Okay. Et donc, voilà. Et du coup, en fait, c'est une grosse entorse. Voilà. Et j'ai eu des béquilles. J'avais jamais eu de béquilles. C'est très rigolo, les béquilles. Oui, c'est amusant. Il est arrivé ce matin avec. J'en ai piqué une. C'est rigolo. C'était drôle, ça. Il l'a lancé à l'autre bout, de la salle. Oh, ça va, ça fait faire du sport. Hein. Ah bah oui, je te confirme. Diable. Franchement, après cette expérience, c'est clair, t'as besoin de te muscler, bonhomme. Hein. Moi, ce que je retiens de toute cette expérience, ne t'attaque pas plus fort que toi. Ouais, t'as raison. Ouais. Allez, il n'y a pas de mal. Donc, du coup, t'es en béquille combien de temps? Je suis en béquille 2 semaines, elle m'a dit 2 semaines. Waouh, wow, on va rire. Si, on va rire. Mais il peut faire mal avec ses béquilles. Hein. Ah ouais. Enfin, attention. Bah, ouais, moi aussi, je peux faire mal avec ses béquilles. Allez, 6h10, on va s'écouter Calvin Harris sur LRJ. Les ouin-ouin du matin sont là, les estropiés aussi. Dans 3 minutes, on a quand même réussi à trouver pire que ça. Ah, ouais. Cool. C'est les concours nouvelle. Du jour, des gens improbables qui font des choses improbables. On vous raconte leurs histoires juste après Calvin Harris. Are you drunk or no? Now to judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? 'Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? 'Cause we're free to love, so tease me. Ooh. promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so don't get your everything. Tonight. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? 'Cause my body is calling for you, calling for you. I need someone to do the things that I do. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air. There ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Tonight. Bienvenue sur Énergie. Il est 6h13, on va faire quelque chose dans 5 minutes que personnellement j'adore. 50 nuances degrés. Ah, cool. L'idée vient au départ de l'une d'entre vous l'année dernière qui nous avait appelé pour nous raconter qu'elle faisait un jeu entre copines qu'elles avaient appelé elles-mêmes 50 nuances degrés, rapport aux questions qu'elles se posent, des questions très intimes sur leur amour, sur la sexualité. Ouais. Et elle faisait ça pendant des soirées entières. On s'est dit, si on le faisait. Ah ouais. Tiens. Eh ben, on va le faire. Oh, cool. 0-870-42-48. J'adore quand on fait ça. Vous nous appelez. Et entre filles, avec Paulette et Isa, vous vous posez des questions comme si vous étiez seules. Et en fait, vous n'êtes pas seules. On est 3,5 millions à écouter. C'est cool, hein? Merci de nous rappeler. Ce sera juste après Aya Nakamura. Mais tout de suite. Voici de quoi nous rappeler que dans le monde, il y a toujours pire que nous. Ça s'appelle les concours du jour. Des gens improbables qui font des choses improbables. On démarre en France, en Bourgogne. Un homme se rend à son bureau. Il sort ses affaires et il commence à travailler. Ouais. Sauf ouais. qu'en réalité, il est totalement bourré. Oh non. Ah. Voilà. Ce qui fait qu'il n'est pas du tout à son travail. Mais il est rentré dans un commissariat. Il s'est installé sur le bureau de l'accueil. Mais non. En pensant qu'il était vraiment à son bureau. C'est dingue. Et le policier de l'accueil, qui s'était absenté 2 minutes, revient, tombe sur le mec assis à son bureau, il l'arrête, il fait un petit test. Le mec était à 2,20 g. Oh non. Et oui. Et du coup, il est pas allé travailler ce jour-là, j'imagine. Mais non, mais voilà. Ouais. Franchement, si on peut même plus bosser. En Savoie, un cambrioleur tombe nez à nez avec le propriétaire et prend la fuite en oubliant sur place son sac avec ses papiers d'identité à l'intérieur. Oh non. Donc là déjà le mec est foutu et la police n'a même pas eu à retrouver l'adresse du mec sur ses papiers d'identité. Mmh. Ils n'ont même pas eu à aller le chercher puisqu'en fait, une heure plus tard, ce mec est allé au commissariat pour signaler le vol de ses papiers. Mais non. Mais non. Alors il a signalé le vol et il n'est pas ressorti du commissariat. Ah, oui. Il s'est dit louper le tout pour le tout, je vais jusqu'au bout quoi. Non, je pense qu'il est vraiment con de base. Dernier concours du jour en Provence, un garagiste a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. Voici la raison. Il avait une voiture totalement défoncée et il fonçait avec volontairement dans des voitures garées

t'es barré, mais t'en veux encore. T'as dû proviser dans le mix. Voudra trouver un alibi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. Trop tard, trop tard. J'suis trop loin pour toi. T'es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Mais tu es la plus bonne, bonne, bonne de mes copines. À mes copines, à mes copines. Tu veux que bomba. Sur Énergie, il est 6h22, on va écouter The Prince Karma dans 5 minutes. Later bitches. Later bitches. Et avant ça, vite, vite, vite, vite, vite, nous entrons dans un monde magique. Celui de 50 nuances de Grey, j'adore ce moment. Mais oui. Si on pouvait le faire pendant 3h30 chaque jour. Oh, pitié. Audrey, bonjour. Bonjour Manu, bonjour tout le monde. Bienvenue sur Énergie, Audrey. Tu as préparé trois questions de filles pour des filles. Avec un point commun, elles parlent toutes de sexualité. Isa, Paulette, Audrey, c'est votre moment. Nous n'intervenons pas et nous vous écoutons. Audrey, quelle est la première question de filles entre filles que tu as envie de poser? Alors les filles, dites-moi, vous êtes pour ou contre les morsures pendant l'amour? Les morsures pendant l'amour. Isa. Moi, c'est pas du tout mon truc, ça, de se mordre. Moi, je préfère, tu vois, une petite claque bien placée. Attends, doucement, je note. Je préfère. C'est pas mal aussi. Ah ouais. Normalement, tu devrais pas parler, Manu. Hein. Oui, mais je note. T'avais dit que t'allais être discret. Eh ben, parle plus doucement. Tu préfères les petites claques bien placées. Au bon moment, oui. Paulette. Ah, je suis carrément pour, moi. Par contre, une fois, c'est arrivé, j'avoue que j'ai mordu un mec tellement fort que j'en suis arrivée au sang. Donc faut pas que je m'emballe en fait. Ah oui, donc toi t'es pour mais le reste du monde non en fait. Et toi Audrey? Moi je suis tout à fait pour, je trouve que ça donne un côté bestial à l'as. Et oui, c'est vrai que j'ai déjà laissé quelques traces, mais bon, sans aller jusqu'au sang. C'est dommage Audrey, on t'entend pas très très bien. Ah pardon, donc je disais que oui, ça, moi je suis pour, hein, ça, je trouve que ça donne un côté bestial à l'acte. Oui. Mais je suis jamais allée jusqu'au sang quand même. Ah oui d'accord, mais il n'y a que Paulette qui fait ça, c'est vrai. Je te rassure. Attention. 50 nuances degrés, deuxième question. Alors, combien de rapports maximum avez-vous eu en une nuit, les filles? Combien de rapports maximum? Avec la même personne? Combien de rapports maximum? Plusieurs personnes. Elle précise pas. Isa? Moi, deux fois dans la même nuit, avec un petit dodo entre les deux. Ça va, ça compte? Ah ouais? Avec un petit dodo, un petit goûter, et on a fait un Monopoly. Ah ouais, non. Mais attention, c'était dans la même nuit, donc ça fait deux fois. Hein. Paulette? Moi, six fois. Quoi? Avec le même? Ouais, il était incroyable. Ah bah c'était un robot, hein? Ouais. Non, c'était une personne, je te promets. Six fois? Ouais, six fois, c'est plus une nuit, là. Tu dors plus, quoi. Ah non, ça, c'est le côté timing ne me gêne pas. C'est vrai que toi, oui. Alors moi, ce qui perturbe, c'est pas du tout le côté timing. Non, c'est le connaît, ça repart tout de suite. Hein. Ouais, ouais. Okay. Et toi, Audrey? Alors moi, justement, je l'ai déjà fait quatre fois dans la même nuit, mais par contre, c'était avec deux partenaires différents. Mais non. Quatre fois dans la même nuit avec deux partenaires différents, mais qui se connaissaient ou c'était Non. En fait, j'étais invitée chez des amis et puis je suis restée. Le garçon me plaisait bien et je suis restée jusqu'à la fin. Et puis finalement, on l'a fait deux fois. Mmh. Et Ensuite, en rentrant chez moi, ben, je suis passée chez mon ex parce que j'avais reçu plein de SMS dans la soirée. Et on s'est revus. Manu n'en peut plus là. Alors c'est marrant parce que moi aussi, hein, je l'ai fait le coup des SMS, tu sors de soirée, tu l'envoies à ton ex, mais jamais mon ex est venu chez moi. Hein. En revanche, le lendemain, elle m'a envoyé d'autres messages en me disant maintenant faut que t'arrêtes. Bon, attention. Dernière question, 59 degrés, on t'écoute Audrey. Alors, quel est l'aliment à tartiner sur le corps de votre partenaire qui vous excite le plus ? Un aliment à tartiner. Un aliment. Alors moi, tu vois, j'adore la noix de coco, vraiment, c'est mon truc préféré. Et j'ai trouvé une huile noix de coco comestible. Oh, c'est magique, c'est super. Mais la noix de coco, tu parles de ce gros truc machin que tu te frottes sur le corps, là ? Non, là, c'est une huile de massage. Ouais. Ah, c'est une huile de massage comestible, d'accord. Ouais. Okay, je croyais que tu disais j'aime la noix de coco, tu prenais une noix de coco et tu l'écrasais sur le corps de ton mec. Pas sexy. Paulette ? Ah, moi, la chantilly. Je trouve que c'est la bonne excuse pour manger des tonnes, en fait. Ah ouais ? C'est trop bien. Oui, mais à ce moment-là, tu commences par ça, après ça se termine sur du bacon. Ouais. C'est plus glamour, la chantilly, je te Mais t'arrives quand tu fais l'amour, tu dis attends, j'ai pas mon réchaud, quoi. Ouais, ça devient un brunch, le truc. Et toi, Audrey, ton aliment préféré à étaler ? Moi, sans hésiter, c'est le chocolat. Rien que de sentir l'odeur du chocolat sur mon partenaire, ça me donne envie de le manger tout cru et je trouve que ça donne un côté super sensuel. Alors, on ne mange pas les gens, je te rappelle. Audrey. Non, je me permets de le rappeler, c'est important. On ne mange pas les gens, même son copain. C'est Audrey, jurée à Top Chef, on est mal. Hein. Audrey, merci beaucoup de nous avoir appelés. On t'embrasse fort. Merci à vous, bisous. Vivement qu'on le refasse ce moment. 6h27, on vient tout de suite sur Énergie avec The Prince Karma. Les sondages du matin arrivent dans 10 minutes. Soyez les bienvenus, c'est Manu dans le 6-9. Manu dans le 6-9. Vive le vendredi, car demain c'est samedi et moi je reste au lit. Yes! N-R-J. Leurs destins sont entre vos mains. Votez maintenant pour vos artistes préférés sur énergie.fr. Le Crédit Mutuel donne le la aux Energy Music Awards avec Rifix.fr. Le 10 novembre à Cannes, en direct sur TF1 et Energy. It's music only. Leclerc. Amstram, Gram, Pic. Là, c'est Marion au supermarché qui tente de choisir les céréales les plus équilibrées. Voilà pourquoi Marc Repère s'engage depuis toujours pour une meilleure nutrition. Aujourd'hui, le Nutri-Score de nos produits est accessible sur le site de tous les drives Leclerc. Retrouvez nos engagements sur marcrepair.com. Vous pourrez toujours compter sur Marc Repère. Pour votre santé, bougez plus. Renault Occasion, c'est aussi des véhicules utilitaires. Oh, regarde le technicien qui répare la ligne haute tension. Il a pris son utilitaire avec lui sur la nacelle. Son utilitaire sur la nacelle ? C'est mon trafic d'occasion ! Il est beau, hein ? Ça aurait été dommage de le laisser en bas. Vous le voyez bien, là, mon trafic d'occasion ? Vous allez être fier de votre occasion. Et avec la garantie pro jusqu'à 36 mois et le véhicule de remplacement, vous allez être encore plus fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018. Offre réservée aux professionnels sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault.fr. Leclerc. Juliette, en ce moment avec les super pouvoirs d'achat Leclerc, le PC portable HP de 17 pouces avec 4 Go de mémoire et un disque dur d'un Tera, le tout, 349€. Un PC HP avec un Tera ? 349€. Du 16 au 20 octobre, profitez des super pouvoirs d'achat chez Leclerc. Le PC portable HP 17 pouces avec disque dur 1 Tera octet, garantie 2 ans constructeur, est à 349€, dont 50 centimes d'éco-participation. Disponible en ligne et en magasin, voire modalité et magasin participant sur www.i-tech.leclerc. C'est ça, les super pouvoirs d'achat Leclerc. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous les podcasts Énergie. Énergie, hit music only. La fraîcheur vous gagne. Leclerc. Chérie, vendredi et samedi avec la carte Leclerc, des 25€ d'achat, Leclerc double tes points Nutri-Fraîche. Il double les points ? Eh oui, vendredi et samedi, tous les 25€ d'achat, ce n'est pas un, mais deux points gagnés qui te permettent d'obtenir toute la gamme d'ustensiles de cuisine Nutri-Fraîche à des prix incroyables. Les 19 et 20 octobre, Leclerc double vos points Nutri-Fraîche. Avec votre carte Leclerc, tous les 25€ d'achat, recevez deux points et obtenez vos ustensiles Nutri-Fraîche. Voir modalité sur www.lafraicheurvousgagne.leclerc. Bon, ben moi j'y vais. Hein. Renault Occasion, c'est aussi des véhicules utilitaires. Oh, regarde le technicien qui répare la ligne haute tension. Il a pris son utilitaire avec lui sur la nacelle. Son utilitaire sur la nacelle? C'est mon trafic d'occasion. Il est beau, hein? Ça aurait été dommage de le laisser en bas. Vous le voyez bien, là, mon trafic d'occasion? Vous allez être fier de votre occasion. Et avec la garantie pro jusqu'à 36 mois et le véhicule de remplacement, vous allez être encore plus fier de votre occasion. Renault Occasion, c'est en étant exigeant qu'on reste numéro 1. Source Argus 2018. Offre réservée aux professionnels sur une sélection de véhicules. Conditions sur Renault.fr. Bonjour, c'est Jean-Marc Morandini. Je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi en direct à 13h35 sur Énergie 12 pour ma nouvelle émission Crimes et faits divers, la quotidienne. Entouré de mon équipe d'experts, nous reviendrons sur des événements qui vous ont marqué. Entre expertise et décryptage, nous vous ferons découvrir des histoires vraies, aussi fascinantes que bouleversantes. Crimes et faits divers, la quotidienne, votre nouveau rendez-vous en direct à ne pas manquer du lundi au vendredi à 13h35 sur Énergie 12. Allez, on plie, on saute. Allez, Christiane. Oui, mais j'ai besoin d'une pause là pour... L'air discount, je dois filer. Aujourd'hui, les cordons bleus de Dan Netto sont à 2,89€. En petite foulée ! Netto, le discounter qui fait la différence. Barquette de 1 kg transformée en France, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Énergie. Manu dans le 6-9. Dans 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. On est là, il est 6h31, soyez les bienvenus, il y a The Prince Karma qui arrive dans deux minutes et les sondages du matin juste après. Tout de suite, c'est les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous, la météo avec un conseil très simple, profitez, ça brille encore largement partout en France aujourd'hui, un peu de grisaille sur la pointe nord et les Pyrénées mais ce sera déjà oublié cet après-midi. 17 degrés attendus à Arras, 21 à Dijon, Lorient et Castres, 23 pour Auxerre, 25 à Toulon. Ce week-end quasiment pas un nuage en vue, soleil et douceur au programme. Et dans l'actu ce matin, ils n'ont pas hésité à braver le froid et la fatigue pour leur idole. Des centaines de fans se sont pressés partout en France cette nuit pour acheter l'album posthume de Johnny. Mon pays, c'est l'amour est sorti à minuit. De nombreux magasins ont joué les prolongations avec des fermetures à 3h du matin. À Paris, une écoute publique en pleine rue a même été organisée par la plateforme Deezer. Plus que quelques heures avant une pause bien méritée, les vacances scolaires de la Toussaint débutent ce soir dans toute la France. Sur la route, attention à quelques bouchons dès 16h en quittant les grandes agglos et jusqu'à 21h si vous traversez la région parisienne. Aucun souci pour demain, la journée est classée verte. Elle, il faudra plutôt les éviter justement pendant les vacances. Malgré le lancement de l'opération nettoyage, ce sont désormais 24 plages du Var qui sont touchées par l'arrivée de plaques de mazout. Elles arrivent en continu depuis la collision de deux bateaux au large de la Corse. La mairie de Ramatuelle a porté plainte. Teddy Riner, Nicolas Karabatic ou encore Martin Fourcade, ils sont près de 380 sportifs français à écrire à Emmanuel Macron pour exprimer leur inquiétude. Le gouvernement prévoit la réforme du statut de 1600 postes et une réduction massive du budget l'année prochaine. Dans une lettre ouverte, les champions demandent au président de sauver le sport associatif et tous ceux qui encadrent les plus jeunes dans les clubs. Un mot de foot avec la 10e journée de Ligue 1. Lyon-Nîmes à l'affiche ce soir à partir de 20h45. Demain, le PSG recevra Amiens et Monaco se déplacera à Strasbourg. Ils troquent les boîtes de nuit pour une salle mythique. César et Dorian Doffenbach vont mixer pour la première fois de leur carrière à l'Olympia demain. Un beau symbole pour les deux Parisiens en plein boulot sur leur album. Le disque est quasiment bouclé, mais quelques collaborations sont encore sur le feu, comme avec le duo américain Sophie Tucker qu'ils ont rencontré il y a quelques semaines à Paris. Bien, alors ils viennent de l'autre côté de l'Atlantique. On est assez proches dans notre univers musical. Ils ont cet amour des guitares distordues avec des rythmes assez deep house, donc des trucs dansants, mais avec quand même une empreinte assez rock. On a vraiment un univers en commun. C'est Be Mine aurait pu être une chanson de Sophie Tucker et Drinky une chanson d'Offenbach, quoi. On les a rencontrés en fait. On avait vraiment envie de faire quelque chose avec eux et de les rencontrer tout simplement. Donc voilà, on échange beaucoup avec eux et on teste des choses, on va dire. Voilà une interview de Morgane Darrien, Offenbach également nommé dans la catégorie DJ de l'année au Energy Music Awards. Rendez-vous pour la cérémonie le 10 novembre à Cannes. Voilà pour vos infos. Manu, dans le 6-9 tout de suite, bon réveil sur Energy. Bienvenue, il est 6h34. Dans 5 minutes, juste après The Prince Karma, c'est les sondages du matin qui arrivent. Ouais. Allez. 7 personnes sur 10 se sont déjà endormies dans leur lit de cette manière. Oh. Ah. N'en faites pas trop. C'est juste un sondage. Hein, c'est... Quoi ? Tu nous as donné un chiffre ? Oui, oui, oui, oui. 7 personnes sur 10 se sont déjà endormies dans leur lit de cette manière. La réponse à cette question, ça arrive dans 5 minutes. Avant ça, quelques infos. Oh, super capote. Il faut qu'on parle de super capote. C'est-à-dire ? Des scientifiques viennent d'inventer un nouveau préservatif qui se lubrifie lui-même et qui est capable de faire 1000 allers-retours. De quoi ? Ah ouais. Comment ça ? Oui, du zizi, 1000. Parce que normalement, c'est moins que ça ? Alors, je te donnerai le chiffre moyen, effectivement. Ah. Il faut savoir qu'un préservatif normal, ça tient théoriquement 600 allers-retours. C'est déjà bien. Le problème, c'est que là, si on a le chiffre, moi, je sais que ça me donne envie de compter, quoi. Ouais. Oh non. Donc, c'est bizarre. si j'ai mon chrono à côté, 1, 2, 3. Tu sais quoi ? Nous, les hommes, on aime bien regarder et c'est qui a le plus gros et c'est qui va chercher. Là, je vais vous donner un nouveau truc à compter. Ouais. Oh non. Puisque, effectivement, donc, ce préservatif permet de faire 1000 allers-retours, mais il faut savoir qu'en moyenne, les hommes font, lors d'un rapport sexuel, entre 100 et maximum 500 allers-retours. Ah ouais ? Ah ouais ? Ah ouais. Oh. Je m'étais jamais posé la question de ça, et maintenant je vais y penser. Parce que t'es pas un mec. Ah, c'est tout simplement. Donc voilà, maintenant vous pouvez, la prochaine fois vous ferez l'amour, vous comptez dans votre tête. Voilà. Et quand t'as cette capote, c'est classe quoi. Quand tu sors cette capote et tu dis, ouais, 1000 allers-retours. Oui, bah tu sais, c'est comme si t'as une Porsche, tu sors la Porsche, ça veut pas dire que t'es le meilleur conducteur du monde. Hein. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, journée mondiale. On en a deux. Ah, d'abord, la journée mondiale du squash. Ah, trop alors, bien. C'est pas aujourd'hui, c'est demain la journée mondiale du squash. Ah. Le sport où Glandu excelle. Ouais. Pas. Ouais. J'ai pas fini ma phrase. Pas. Ah ouais, je suis bon au squash. Tu m'as déjà vu. Je t'ai déjà vu une fois. Il y a un sport où je me débrouille. La vérité, c'est que je suis allé voir Glandu jouer au squash une fois. Je suis arrivé, il est tombé. Ouais. Donc pour moi, le souvenir que j'ai de toi au squash, c'est toi qui tombes. Ouais, c'est vrai qu'il est plus essoufflé que les autres, quoi. Ouais, mais non, mais t'es arrivé, tu tapes sur la vitre. Forcément, ça me déconcentre. Je dis bonjour, quoi. Ouais, tu dis bonjour. Forcément, ça déconcentre. Ah bah, je viendrai plus te voir, hein. Franchement, je t'admire, Glandu. Je te vois partir avec ton gros sac de squash là après l'émission. C'est squash, squash. Le squash n'existe pas. Non, c'est mais c'était bien tenté. J'adore ton sac de squash. Bon, 6h37, dans 3 minutes, c'est The Prince Karma. C'est les sondages du matin, pardon. Juste avant, c'est The Prince Karma maintenant pour vous. Soyez les bienvenus sur LRG, c'est Manu dans le 6-9. What the hell do you mean I've gotta wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. bitches. Bienvenue sur Énergie, les 6h40. Ramenez la coupe à la maison. Vous avez cru que c'était lui qui chantait, hein? Ah oui, impressionnant. Wow. Ah, j'ai aucun sens du rythme, c'est génial. VG de Rime arrive pour vous dans deux minutes, mais avant ça, comme chaque jour, il est 6h40. Voici les sondages du matin. Yes. Ouais. Attention, par lequel je vais commencer? Alors. Ah, il est bien celui-là. Une femme sur quatre ne sortira pas avec un homme s'il le fait trop après un premier rendez-vous. Pas au premier rendez-vous, après le premier rendez-vous. Attention, c'est quoi? Des blagues nulles. Non, non, c'est pas non. Les... après le premier rendez-vous. C'est-à-dire qu'il y a le premier rendez-vous, ouais. Et après le premier rendez-vous, il fait quelque chose. S'il laisse passer trop de temps avant de la rappeler? Non, c'est même totalement l'inverse. C'est un truc qu'il fait quand il est avec elle ou pas du tout? Non, justement, c'est ouais. Après le premier rendez-vous, ils sont plus ensemble. D'accord. C'est un truc qu'il fait avec son téléphone? Oui, absolument. Envoyer trop de SMS, c'est relou, quoi. Envoyer trop de textos. Ouais. Une femme sur quatre ne sortira pas avec un homme s'il envoie trop de SMS tout de suite après le premier rendez-vous. Mais oui, c'est je te fuis, tu me suis. Tu vois, il faut laisser du temps. Il faut que, entre le moment où on envoie un texto et il répond, il faut qu'il y ait toujours une heure. C'est une règle. Oh là là. C'est une règle qu'on a. Et ça... Non, ça marche hyper bien, je vous jure, ça marche. Ouais, mais... Testez. Et je sais pas qui a choisi de faire en sorte que je sois un garçon, mais merci quoi. Calculer tout, ça me fatigue. C'est la chose que font les enfants et qui agace le plus les papas. Qu'est-ce que c'est donc? C'est quand ils ne rebouchent pas leur feutre. Non. Pleurer. Non plus. Quand ils rangent pas leur chambre? Non, mais on est dans ce genre de choses. Quand ils touchent les manettes de la PlayStation? Non. Ils le font à la maison. Oui, d'accord. C'est quelque chose à la maison. Okay. C'est lié au bordel dans la maison, c'est ça? On peut considérer, mais c'est pas vraiment du bordel, mais c'est quelque chose. Tous nos parents nous l'ont dit, hein, et tous les parents le disent aux enfants. Quand ils laissent couler l'eau trop longtemps? Non, c'est quand ils laissent quelque chose. Quand ils laissent les lumières allumées? Oui, absolument. Ouais. Ah ouais. Avec cette fameuse phrase: oh, c'est pas Versailles ici. Bien sûr, oui. J'ai mis des années à comprendre ce que ça voulait dire. Ah ouais? C'est pas Versailles ici. Je me dis, bah oui, je sais, on est pas dans un château. Oui. Et après, c'est parce qu'il y a beaucoup de lumière à Versailles. Hein. Okay, bravo les parents. 7 personnes sur 10 se sont déjà endormies dans leur lit de cette manière. De quelle manière? Trop alcoolisé. Tu sais quoi? Je vais considérer que c'est une bonne réponse. Ah ouais? Ah ouais? Parce que la vraie réponse, c'est tout habillé. Mais quel moment tu t'endors tout habillé si t'es pas un peu alcoolisé? Ouais, oui, c'est vrai que c'est lié. Ok. Tu vois, ça se tient. Ça se à part tient. Si t'es pompier, que tu rentres des interventions et que t'es rincé. Mais vraiment, sinon, je pense pas. Non. Les sondages du matin reviennent lundi à la même heure. On s'écoute VG de Rime tout de suite. Et juste après, à propos de faire des choses tout habillé, j'ai l'inverse. Des activités à faire tout nu. Ah ouais. J'ai trouvé une liste sur internet d'activités à ne surtout pas faire tout nu. C'est dans 3 minutes après VG de Rime sur LRG. Ça c'est VG Dream de Gagnon.

The sun is changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator. Gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. Get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath. See what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. Bienvenue sur Énergie, 6h52 à 7h05. On va doubler votre salaire pour la première fois de la matinée. Vous pouvez vous inscrire énergie.fr, Malu dans le 69.com ou sur l'application Malu dans le 69. Ouais. On va écouter Dadju et tout de suite, évidemment, nous allons parler de l'événement du jour. Le nouvel album de Johnny Hallyday qui est sorti hier à minuit. Il y avait des magasins qui étaient ouverts à minuit. C'est dingue. Pour qu'on puisse acheter l'album. Et ce qui est incroyable, c'est qu'avant de sortir, il était déjà numéro 1 des ventes parce qu'il y a eu 100 000 précommandes. Ouais. C'est un truc de malade. Mais je comprends pas trop pourquoi faire la queue. Parce qu'il y en a 800 000, t'es sûr d'en avoir un au bout du compte, quoi. Parce que tu te dis que tu vas être parmi les premiers à l'avoir. Ouais. Bah oui. Je fais ça avec les jeux vidéo. Ah ouais, ouais. La queue. Wow. Bah t'as envie de l'avoir, quoi. Ouais, c'est un truc. Oh. Alors, il faut savoir un truc, il y a une info dingue. Enfin, il y en a 1000 des infos dingues sur Johnny Hallyday de toute manière. Ce soir, au JT de 20h, TF1 devait recevoir le nouveau ministre de l'Intérieur. Ouais. Ouais. Mais Johnny est plus fort que tout. En fait, ils vont recevoir plutôt Laetitia Hallyday. Mais non, oh, c'est vexant. Waouh. Ils ont décommandé l'autre. Ouais. Oh. C'est pas vexant. Ah, ouais. Ah si. Ah oui. Putain, le pauvre qui va se retrouver devant sa télé à manger une crêpe en regardant ça en se disant mais c'est moi qui devrais y être. Mais en fait là, il y a eu le remaniement ministériel, mais c'est elle que Macron il aurait dû nommer. Ah oui. Non, parce que Laetitia Hallyday, vous avez retenu son nom. Ouais. Le nouveau ministre de l'Intérieur. Non. Voilà. C'est QFD. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans les infos? Ah, vous l'avez peut-être vu hier cette histoire. Une lycéenne risque gros pour avoir fait, je pense, la pire blague qu'on puisse faire à ses camarades. C'est quoi? Elle leur a préparé des cookies. Elle est venue avec. Elle leur a fait manger. Et tout le monde était très content. Sauf qu'ensuite, elle leur a avoué qu'elle avait incorporé dans la pâte les cendres de son papy. Oh, wow. C'est pas possible. Oh, c'est dur. Ah bah si, c'est possible. Et c'est quoi l'excuse? Bah c'est la blague. Ah, c'est juste une blague. Ah, c'est une blague. Oui, bah y a pas d'excuse pour ça. Hein. C'est, Je sais pas ce qui est le plus grave et le plus triste. C'est-à-dire que le pauvre papy qui se dit putain, je finis en cookie quoi. Mais je me dis, alors lui pour le coup, il en a rien à foutre. Hein. Ouais, mais c'est chiant. C'est chiant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a peut-être pas le même humour qu'elle. Là, non, effectivement. Wow. Une autre info, selon vous, c'est quoi la recette la plus recherchée sur Google par les Français? Alors ce n'est pas le cookie au cendre ou le papy. Quelle est la recette la plus recherchée sur Google, d'après vous? C'est un truc de pâte, non? Avec des pâtes? Ouais. Non. Le hachis parmentier? Non. Comment faire cuire une pizza? Non. La ratatouille? Non. C'est un plat ou un dessert?

Besoin d'un coup de main ? C'est bon, ça va, je peux faire mon trou tout seul. Comme vous voulez, mais en ce moment, chez Monsieur Bricolage, la perceuse sans fil à percussion 18 volts Black & Decker avec deux batteries et sa mallette est à seulement 129,99€. Mais dites-moi, un si petit prix, ce n'est pas accessoire ! Bah si, justement, des accessoires, il y en a 80 avec la perceuse. Ah ça, c'est bien ! Jusqu'au 4 novembre, faites des économies qui font chaud au cœur avec Monsieur Bricolage. Magasin participant sur monsieurbricolage.fr. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est pile 7h qu'on amène le coq et qu'on le fasse chanter. Bon réveil! Dans un quart d'heure, c'est le retour de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. C'est nous qui l'avons, et par avance, pardon. On va doubler votre salaire, ça arrive dans 3 minutes, et on va écouter Dadju, tout ça c'est après les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. Encore une très belle journée en perspective côté ciel. Le soleil s'impose largement encore une fois aujourd'hui. Un peu de grisaille tout de même sur la pointe nord et sur les Pyrénées ce matin, mais ce sera beaucoup plus lumineux cet après-midi. 17 degrés attendus à Lens aujourd'hui, 19 au Havre, 21 à Toulouse et Quimper, jusqu'à 22 à Albi. Ce week-end, du bleu et de la douceur sur tout le pays. Et dans l'actu ce matin, des fans, les larmes aux yeux. La scène s'est produite un peu partout en France cette nuit avec l'occasion de la sortie de l'ultime album de Johnny. Mon pays, c'est l'amour est sorti à minuit dans de nombreux magasins restés ouverts pour l'occasion. Plus de 500 clients se sont rués par exemple à la Fnac des Champs-Élysées. Une écoute publique en pleine rue a même été organisée par la plateforme Deezer à Paris. En général, on fait marcher le piston, mais le gouvernement a décidé de faciliter un peu la vie des collégiens à la recherche d'un stage d'observation. Une plateforme nationale a été lancée hier avec près de 30 000 offres proposées par les administrations et les entreprises. Rendez-vous sur monstage23e.fr. Avec cette somme, pas besoin du stage, il suffit simplement de racheter la boîte. 900 millions de dollars, c'est bien ce que pourrait remporter un Américain très chanceux au loto aujourd'hui. Le jackpot là-bas s'est envolé ces derniers jours avant le tirage du méga million, un loto commun dans 44 États américains. La somme en jeu, proche du milliard donc, établit un nouveau record mondial. L'an dernier, une mère de famille avait déjà touché près de 760 millions de dollars. Quand le rock se conjugue au féminin. C'est en tout cas la tendance qui se dessine selon une étude mondiale du fabricant de guitares Fender. Depuis le début de l'année, la moitié des acheteurs d'instruments sont des filles. Plus généralement, on se met à la gratte pour s'épanouir personnellement. 70% des nouveaux guitaristes souhaitent simplement jouer pour eux-mêmes ou pour leur soirée entre amis. Elles espèrent imiter leurs collègues masculins. On croise les doigts pour l'équipe de France féminine de foot qui jouera sa Coupe du Monde l'été prochain à la maison. Les rencontres se joueront un peu partout, comme à Lyon, au Havre, à Grenoble, à Reims ou encore à Valence. Ancienne. Et la vente de billets ouvre aujourd'hui à 15h avec par exemple des packs à 25€ pour 3 matchs et 50€ pour assister aux demi-finales. Toujours en foot, la Ligue 1 revient ce soir. On joue la 10e journée avec Lyon-Nîmes à l'affiche à partir de 20h45. Imaginez un peu une caméra qui vous suit pendant 20 ans, pas évident, mais c'est la bonne idée qu'ont eu Chris Martin et son groupe Coldplay. Ils se préparent à dévoiler un documentaire événement projeté au cinéma. Une bonne annonce vient d'être publiée, on y découvre les Britanniques à leur début, sur scène ou dans les moments les plus intimes. Le film n'aura droit qu'à une seule séance unique le 14 novembre dans 2000 salles dans le monde. Les places seront donc assez rares et la billetterie ouvre aujourd'hui. Voilà pour vos infos, Manu dans le 6-9 tout de suite. Bon réveil sur Énergie. Minutes, on va doubler votre salaire pour la première fois de la matinée. Si vous vous êtes inscrit, par exemple sur énergie.fr, et ben c'est peut-être vous qu'on appelle en direct. On va s'écouter Dadju. Et avant ça, attention, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Une nouvelle qui va potentiellement changer notre vie d'ici quelques années. Arrête. Vous connaissez tous le robot aspirateur. Ouais, c'est un petit robot que vous laissez tourner tout seul chez vous et il aspire et Glandu en a un. Ah, j'en ai acheté un, ça a changé ma vie quoi. Ok, attention. Écoutez bien, au Japon, des développeurs viennent de présenter plus fort que l'aspirateur qui aspire tout seul. Ouais. Le robot qui range tout seul la maison. Mais non. Oh non. Oh, oh c'est génial. Mais comment il peut savoir où il faut ranger les trucs? Eh ben, le robot peut ramasser, trier, ranger tout ce qui traîne par terre en toute autonomie. Ça arrive quand? Ça coûte combien, dit? Ah ouais. T'as pas les infos, là? Il est pas là? Alors, si j'ai quelques infos. Oh. Ah. Pour l'instant, c'est à l'état de prototype. Ah, allez, vite. Et il y a un petit souci. Ah ouais. Quoi? Voilà, il y a un petit souci avec le robot. Les scientifiques japonais l'avouent eux-mêmes. Non. Pour l'instant, mais ça va se régler. Ouais. Pour l'instant, il ne différencie pas encore tout et peut considérer, par exemple, que le chat est un objet à ranger. Oh, oh là là là. Wow. C'est-à-dire que il est où le chat? Et repasser. Ouais. Non, c'est horrible. Ouais, bossez un peu, les gars. On va un peu suivre quand même cette histoire. Allez, on double votre salaire. Manu dans le 6-9. Tous les matins sur Énergie, Manu double votre salaire. Marie habite un Zizac Locrist. C'est dans le Morbihan. Elle a 29 ans. Elle touche chaque mois 1600 euros. Marie, on t'appelle maintenant pour te doubler ton salaire. Parce que oui, tu t'es inscrite sur énergie.fr. Et oui, tu t'es dit, j'ai une chance sur un million, ça ne m'arrivera jamais. Eh ben si. Marie, ça t'arrive aujourd'hui. Si tu décroches. Allô. Allô, Marie. Allô, oui. Marie de Unzizac Locrist. Oui. C'est rigolo comme nom de village. Hein. C'est rigolo, oui, c'est vrai. Ah ouais, c'est même au scrap, t'as pas assez de lettres, Lyon. C'est un peu long. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire, Marie? C'est Manu sur Énergie. Oui. C'est fait, Marie. Ça y est, je vais doubler ton salaire. Merci, Manu. Marie, sois heureuse. 1600 euros x 2, ça fait 3200 euros pour toi. Ah, merci, c'est cool. Alors, attention. Quoi? Voici le métier de Marie, tenez-vous bien. Ouais. Marie est conseillère principale d'éducation. Oh. Oui, c'est ça. Oh. Waouh. Dans un collège-lycée. Oh. Oh là là, mais tu sais... Tu connais ton pseudonyme, comment les gens t'appellent? Bah, je sais pas, dis-moi, ça doit pas être très gentil parce que des surnoms j'en ai. Hein. La terreur? Ah ouais, ouais c'est la dur. Terreur. Le cauchemar? Oh. Ouais. La sorcière aussi. On t'appelle la sorcière? Oh, non, mais c'est vachement. Non, mais c'est dur comme métier. Ouais, mais donc t'en as conscience, quoi, Marie, que tu fais peur aux élèves. Même. Ah bah oui, je sais bien que quand j'arrive. Tout le monde se tait. Évidemment, c'est ça. Vrai, parce que moi, j'ai... mais c'est l'image que j'ai, donc c'est vraiment vrai. Tu le sais quand t'arrives et que tu passes dans le couloir, c'est tout le monde a jeté son sac à dos, tout le monde le remet en place, quoi. C'est exactement ça. Oh là là. Exactement ça. Marie, là je t'entends, t'as l'air quand même cool et détente. Est-ce que parfois, même si tu peux pas le montrer sur le coup, il y a des bêtises d'élèves qui t'ont fait trop marrer, quoi? Mais plein de fois, ça m'arrive. Hein. Souvent, ils font une connerie, je rigole pas devant eux, puis après, je me marre avec les collègues. Mais alors, la question est, pourquoi tu te marres pas directement avec eux? Parce que je suis pas crédible, sinon, Manu. Oui. Oui. Mais essaye, tu verras. Ouais, je pourrais. Mais il y en a avec qui je rigole, quand même. Et c'est quoi, genre, les trucs où tu dis, putain, ça, c'est vraiment très drôle, quand même, j'avoue. Oh, bah, il y a plein de choses. Hein. Ils peuvent se retrouver. Dernièrement, j'ai un couple qui s'est retrouvé à l'internat, en cachette. Quand je tombe dessus, forcément que j'ai envie d'exploser de rire. Mais voilà, je suis obligée de les engueuler. Mais non, sur le coup, c'est... C'est bizarre, Marie, t'as vraiment un humour de proviseur. Hein. Jouer un couple dans un coin, c'est pas le vrai truc. Oh, c'est drôle. Mais non, okay. Mais ils sont jeunes, ils se cachent, voilà. Ah ouais. Ok, c'est le principe de l'internat. C'est ça. Tout à fait. Marie, on double ton salaire, 3200 super, euros. Super, merci beaucoup. Ça arrive très vite pour toi, on t'embrasse fort. Ouais, je vous fais des gros bisous, merci Marie, encore. Marie, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le 19 octobre, allez, journée sans heure de colle. Allez. Ok, ça marche. Allez, ouais. Bon, si vous êtes dans un collège où votre conseillère principale d'éducation s'appelle Marie dans le Morbihan, c'est détente aujourd'hui. Le bordel que ça va être. Ah ouais, je vais en entendre parler, ça c'est clair. On t'embrasse, Marie Lacoule. Allez, je vous fais des gros bisous. Gros bisous. Merci beaucoup. 7h08, c'est la première fois que je sors d'un rendez-vous avec un proviseur avec le sourire. 7h09, on peut doubler votre salaire, ça peut vous arriver vous aussi, ça sera tout à l'heure à 8h05. Dadju tout de suite sur Énergie. Bon réveil, bienvenue, c'est Manu dans le 6-9. Un peu de respect, faut respecter. Quand une lionne arrive à tout gérer, un de perdu, mais elle s'est retrouvée. Pas besoin d'un homme qui l'empêche d'avancer, elle a ses règles et sa fierté. C'est pas elle que tu verras mendier, célibataire ou femme mariée. Ça ne change en rien sa façon de penser. Fort caractère, elle sait dire non. Elle dit jamais son dernier mot. Et tu peux peux lire sous ses paupières déterminée. Elle agit, elle ne parle pas, il y en a pas. Mais si tu lui donnes la misère du monde, elle va tout assumer. Si tu lui donnes la richesse d'un homme, elle va tout assumer. Elle mettra toujours la famille d'abord. Elle va tout assumer. Le genre de femme qui a chaque problème s'en sort. Elle va tout assumer. Comment gérer sa vie charismatique. Elle est sexy. Elle prend soin d'elle malgré tous les soucis. Elle prend des risques. Elle réfléchit. Pas besoin de te demander ton avis. Son objectif, la réussite. Son amour ne connaît pas de limites. Fort caractère, elle sait dire non. Tout assumé. Sur Énergie, il est 7h12. Juste après ce qu'on va faire maintenant, on va faire autre chose. Ah, ouais, c'est pas mal ou pas ça? Franchement, on kiffe là. Alors, ça vous donne pas envie de rester? Si. Il y a Georges, l'appel automatique de Georges, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France qui arrive pour vous. Et aujourd'hui, il va appeler quelqu'un en lui disant que c'est sale chez lui. On n'aime pas quand on dit que c'est sale chez nous. Ah bah, il va s'énerver, ça va être. Comme d'habitude, c'est le drame du matin qui arrive. Avant ça. Quelques infos, et là je vais vous retenir, quelques infos sexe. Oh allez. Okay. J'ai des études sur le sexe, parce que oui, il y a des chercheurs qui cherchent des vaccins et d'autres qui cherchent à améliorer leur capacité sexuelle. Écoutez bien, selon une nouvelle étude, croyez-le ou pas, mais c'est vrai, une des meilleures façons de rompre définitivement avec quelqu'un, c'est de coucher une dernière fois avec. Ah bon ? Coucher avec celui qui est déjà votre ex. Moi j'ai toujours fait ça. Ah. Non, mais je te jure que c'est vrai. Il y a toujours eu une dernière fois. J'ai l'impression que c'est l'au revoir en fait. Et ben c'est exactement ce que les chercheurs expliquent. Ah bah tu vois. Ça nous donne un vrai sentiment de fin, ce qui peut nous aider à redémarrer derrière. Ouais, mais quand tu dis au revoir normalement, bah t'es triste quoi. Donc, il faut pas être trop sentimental et te mettre à pleurer en plein dans le truc quoi. Mais ouais, c'est effectivement. Ah ouais. Et puis attention, ça ne marche que pour les au revoir de couple. Ne faites pas ça quand vous dites au revoir à grand-maman. C'est important. Toujours info sexe, une étude. Est-ce que vous êtes content d'abord de vos relations sexuelles en couple, Isabelle? Oh ouais, tout va bien. Nico? Parfait. Eh bien, vous avez plus de chances que les autres de vous faire tromper. Selon une nouvelle étude, en fait, les chercheurs expliquent que les couples qui ont des bonnes relations sexuelles ont plus de chances d'être des couples qui trompent. Ah, ça serait pas un chercheur un petit peu jaloux des couples qui sont heureux? Je ne sais pas, je ne le connais pas, il est américain. Ouais. Alors pourquoi ils disent ça? Ils expliquent qu'en fait, le fait d'avoir de super relations sexuelles, ça nous donne l'envie d'en avoir encore. Mais non. Et c'est comme quand tu manges du chocolat, tu t'arrêtes pas. Ouais. Ah mais compare pas ça au chocolat. Putain, en ce moment, je suis célibataire, je t'avoue. Je compare à tout. Hein. Donc voilà. Tu peux le faire toujours avec la même tablette de chocolat. Tu recommences avec la même personne. Non, il y a un moment, t'as envie de le goûter, le chocolat aux noisettes. Ouais, c'est ça. C'est ce que l'étude dit, en tout cas. Dernière étude sur le sexe. J'ai, selon une étude du magazine Cosmo, les trois choses que nous, les hommes, on ne doit pas faire au lit. Vas-y. Dire des petits noms comme bébé ou chéri trop souvent devant, durant le rapport. Ah oui. Bébé, ah. bébé, bébé. Ouais, ça va être un peu bestial, quoi. Ça a un côté trop, trop affectueux, je pense. Oui, puis faut pas trop parler, quoi. Ça va. Ok. Non, mais... Elle a l'air cool comme ça, Paulette. Hein, mais... Et à un moment, le cul, elle rigole pas. Ouais. Les trois choses à ne pas faire au lit, il y a aussi être trop dirigeant. Ils disent le mot dirigeant, pas directif, vraiment dirigeant. Il ne faut pas être dirigeant. Ah bah oui, oui. Voilà, faut pas être... Faut être 50-50, quoi. Faut laisser la place à l'autre. Voilà, exactement. Mmh, et enfin, il faut essayer d'être le plus long possible. c'est con parce que j'avais les deux premiers. Bon. 7h15, on revient tout de suite. Écoutez Jane, c'est le retour de George, l'intelligence artificielle la plus embarrassante de France. Les appels automatiques de George reviennent après ça. Manu dans le 6-9 sur Énergie. Manu, tu brûles mon esprit et ouin-ouin sont toute ma vie. Énergie. Et hommage, hein. Ah ouais. Hey, le nouvel album sort aujourd'hui, hein. Merci voilà. À vous, merci à vous. Sitting on my chest, I don't know what I'd do without your comfort. If you really go first, if you really left, I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day, we didn't repeat every conversation. Being with you every day is a Saturday, but every Sunday you got me pray. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV, I know how it goes. Even when you're angry, even when I'm cold, don't you ever leave me, don't leave me alone. Don't leave me alone. I don't wanna call and you not answer. Never see your face light up my phone. Never see you singing Tiny Dancer. Every time my head hurts, every time I'm low. 'Cause I don't know if I would be alive today. With or without you like night and day. Everything about you uncomplicated. Here with you every day is a Saturday. But every Sunday you got me praying. Don't you ever leave me, don't you ever go. I've seen it on TV. C'est Jérémy Frérot. Ceci n'est pas un au revoir. S'il y a une personne à qui je dois toute ma carrière, c'est bien Manu. Il m'a donné énormément de conseils et je n'en ai suivi aucun. Merci Manu. Je t'en prie, si vous avez besoin de réussir votre carrière aussi, bah, je vous donne des conseils, je vous envoie la liste, vous ne les suivez pas, ça marche. Okay, merci. 7h19, voici Georges. Manu dans le 6-9, l'appel automatique de Georges. L'intelligence artificielle la plus embarrassante de France, comme chaque jour, passe des messages automatiques, puisque c'est un robot, il peut pas répondre. Et aujourd'hui, Georges appelle quelqu'un pour lui dire que chez lui, c'est un peu cracra. Oui, allô ? Bonjour, ceci est un message automatique. Bonjour madame. Quelqu'un a pensé que vous devriez le savoir ? Vous devriez faire plus souvent votre ménage. Oui. Actuellement, Le niveau de ménage de votre maison est caca. Il y a une chanson qui fait comme ça. Allô, bonjour madame, ici c'est Johnny, vous la connaissez? Il faut laver vos sols, laver vos canapés. Je vous téléphone, car des amis m'ont dit que je devais faire le ménage un peu plus souvent. Nous sommes ravis que vous le preniez bien. Oui, et alors? Un coup d'aspirateur est si vite passé, faites un effort. Je veux pleurer. Mais dites-lui que je l'aime. Nous vous souhaitons une bonne journée. Pas de souci, avec plaisir. Et que Johnny lui dit adieu. C'est pas dingue. Je l'ai trouvé plus taré que Georges. Ouais, exactement. L'appel automatique de Georges. Manu dans le 6-9. Et celui-là, en fait, on l'avait enregistré il y a quasiment deux mois, mais on s'est dit, celui-là, on le garde pour la sortie de l'album de Johnny. Ah ouais. Quel plus bel hommage. Ah ouais. Génial. C'est en vain, on s'écoute Jane tout de suite. Et juste après, on va se poser une question simple. C'est quoi? Sommes-nous des mauvaises personnes? On va tenter d'y répondre. C'est dans 3 minutes sur Énergie. Bon réveil. To look down at you. Things gonna be chaque matin, on démarre la journée ensemble. Dinoro et Gigi D'Agostino arrivent, mais avant ça, on va se demander si nous sommes des mauvaises personnes. Ah. On fait ça de temps en temps dans l'émission, alors je vous rassure, souvent on se dit non, on n'est pas des mauvaises personnes. Ouais. On fait tous des choses, pas forcément jolies, jolies, des choses où on peut se dire ah, j'aurais pu réagir autrement, ouais. Ah, c'est mal, j'ai pensé ça à ce moment-là. Ouais. Mais est-ce que ça fait vraiment de nous des mauvaises personnes? Ouais. 0870 42 48, vous pouvez nous appeler. Nico, tu commences? Ouais, je commence. Moi par exemple, tu vois, quand je prends un chewing-gum, bah, je fais en sorte que personne ne me voit pour pas en donner. Suis-je une mauvaise personne? Un peu radinou. Ah non, mais sinon tout le monde t'en taxe, c'est chiant. Tout le monde, non, pas tout le monde va le prendre. Si, tu prends un chewing-gum, s'il y a 5 personnes, bah, je peux avoir un chewing-gum, bah, et il n'y en a que 10 dans le paquet. Bah achète des paquets plus gros. Ouais. Ah, bah non, et pourquoi moi? Et vous aussi de temps en temps. Alors, moi je pense que ça dépend du nombre de chewing-gum. Au-dessus de 5 chewing-gum, t'es une mauvaise personne. En dessous, ça va, t'as le droit de faire ça, quoi. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Comment ça, j'ai pas compris. S'il reste plus de 5 chewing-gum dans le paquet, là t'es une mauvaise personne. Parce que tu pourrais en donner. Ouais. Ouais. S'il en reste moins, ça passe. Ouais. Suis-je une mauvaise personne, Isabelle? J'ai fait comme si je captais pas au téléphone quand ma mère a commencé à me donner la recette des tomates farcies. Et c'était tellement chiant. Mais, oh non! Attention, Isabelle.

Offre TVA sous forme de remise de 7,67% sur le prix hors option maximum jusqu'au 31 octobre. Crédit auto 0%, 2 000 euros d'apport pour 10 000 euros empruntés, puis 48 mensualités de 208,34 euros. Montant total du 10 000 euros si acceptation par Ford Crédit jusqu'au 31 octobre, voire Ford.fr. Maman, c'est quoi un automne hors extraordinaire? C'est se looker pour affronter le froid. À partir de 10 euros la doudoune, 3 euros le sous-pull, 5 euros le bas de jogging. Il y a aussi l'abonnement au club à 10 euros la première année pour profiter de moins 50% sur les vêtements. C'est hors extraordinaire! Orchestra, mode enfant, maternité, puriculture. Modalité en magasin et sur orchestra.com. Allez, on plie, on saute. Allez, Christiane! Oui, mais j'ai besoin d'une pause là pour... La lave discount, je dois filer. Aujourd'hui, les cordons bleus de Dan Netto sont à 2,89€. En petite foulée! Netto, le discounter qui fait la différence. Barquette de 1 kg transformée en France, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Conforama, le confort pour tous. Jusqu'à lundi, si vous achetez un PC ou un téléphone, Conforama vous offre 20 euros en bon d'achat par tranche de 100 euros d'achat. Eh oui, 20 euros offerts tous les 100 euros d'achat. Foncez vite en magasin. Conforama, jusqu'au 22 octobre, conditions en magasin sur conforama.fr. Les Electric Days arrivent chez Citroën et vous n'étiez pas au courant? What? Non mais mégawatt! Parce qu'entre C0, Imeari et Berlingo Electric, c'est le coup de foudre assuré. Alors maintenant, on fonce chez Citroën! Pendant les Electric Days jusqu'au 31 octobre, profitez d'offres exceptionnelles sur toute la gamme 100% électrique Citroën à partir de 89 euros par mois. Location longue durée 36 mois 20 000 km d'une Citroën C0 neuve après un premier loyer de 3 590 euros. Bonus écologique et prime à la conversion déduit sous condition de reprise. Offre valable jusqu'au 31 octobre 2018 dans le réseau Citroën participant réservé aux particuliers. Détails sur citroën.fr. Manu dans le 6-9. 6h, 9h30. Sur Énergie. Il est 7h31 et dans 10 minutes, c'est peut-être vous qui allez jouer avec nous au jeu des 5 mots. 0-870-42-48. Vous nous appelez, on vous offre vos places pour la cérémonie des Energy Music Awards. C'est le 10 novembre prochain. Transport et hébergement compris. On va écouter Dinoro. Il y aura aussi 3 cafés gourmands. On veut du Clonibus. Avant ça, voici les infos. L'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. La météo avec un conseil très simple, profitez, ça brille encore largement partout en France aujourd'hui. Un peu de grisaille tout de même sur la pointe nord et les Pyrénées, mais ce sera déjà oublié cet après-midi. 17 degrés attendus à Arras, 21 à Dijon, Lorient et Castres, on aura 23 à Auxerre, 25 à Toulon. Ce week-end, quasiment pas un nuage en vue, soleil et douceur au programme. Et dans l'actu ce matin, les larmes aux yeux, les bras chargés de disques ou de vinyles. Des milliers de fans de Johnny se sont rués dans les magasins cette nuit pour la sortie de son album posthume « Mon pays, c'est l'amour ». Plusieurs enseignes sont restées ouvertes jusqu'à 3h du matin partout en France pour l'événement. À Paris, une écoute publique en pleine rue est même organisée jusqu'à dimanche par la plateforme Deezer. Plus que quelques heures avant une pause bien méritée, les vacances de la Toussaint débutent ce soir dans toute la France. Attention à quelques bouchons dès 16h cet après-midi en quittant les grandes agglos et jusqu'à 21h si vous passez par la région parisienne. Demain, la journée est classée verte. Elle a désormais toute sa place dans les salons. La console de jeux vidéo fait décidément partie de notre quotidien, selon une étude sur les joueurs. Un Français sur deux prend sa manette régulièrement. Un loisir pas spécialement réservé aux plus jeunes, d'ailleurs, puisque la moyenne d'âge est de 39 ans. Les femmes représentent près de la moitié des consommateurs. Ils s'inquiètent pour l'avenir du sport français. Près de 380 sportifs ont décidé d'écrire à Emmanuel Macron pour lui demander de s'engager pour le sport associatif. Il lui demande également d'assurer l'avenir de tous ceux qui en cadres les plus jeunes dans les clubs. Teddy Riner, Nicolas Karabatic ou encore Martin Fourcade ont signé cette lettre alors que le gouvernement prévoit une réforme de 1600 postes et la réduction massive du budget l'année prochaine. Un mot de foot avec la 10e journée de Ligue 1. Lyon-Nîmes à l'affiche ce soir à partir de 20h45. Demain, le PSG recevra Amiens et Monaco se déplacera à Strasbourg. Ce petit côté perfectionniste, ils y tiennent. Le premier album d'Offenbach est bouclé, mais Dorian et César veulent encore le peaufiner. Portugal de Man a été séduit par le professionnalisme des deux DJ et leur a accordé un featuring, un défi pour les deux Parisiens qui avaient déjà remixé un titre des rockers américains. Nous, on aime les talents originaux, donc à chaque fois qu'on fait une chanson, on essaye d'avoir une voix justement qui sort un peu du commun. Ce qu'on aime, c'est vraiment les voix sorties de l'espace et qui ressemblent à aucune autre en fait. L'univers de Portugal The Man match parfaitement avec notre univers. Et quand on avait fait le remix de Feel It Still, ils étaient hyper contents parce qu'on avait respecté la composition, on avait créé un truc plus électro et eux avaient vraiment aimé ce mélange-là. On avait au téléphone le chanteur et il nous remerciait et disait ah, merci de faire une chanson avec nous, ça nous fait vraiment plaisir. À un moment, on s'énervait presque. On disait, arrête de nous remercier, c'est nous qu'on te remercie. Voilà, une interview de Morgane Darien. C'est tout pour les infos. Retour de Manu dans le 6-9 tout de suite. Bon réveil sur Énergie. Je vous annonce que dans une heure, nous aurons enfin la réponse à une question que tout le monde se pose. On a parlé il y a 3 jours d'un sondage qui disait que 6 femmes sur 10 sont persuadées que les hommes exagèrent à chaque fois quand ils sont malades. Oui. Ah, okay. Oui. Toutes les femmes pensent que les hommes exagèrent quand ils ont un petit rhume. Et nous, les hommes, on dit non, on est vraiment très très mal. Et moi, ma théorie, c'est que nous, quand on a un rhume, notre rhume, il est beaucoup plus fort que le vôtre. Mais oui, ouais, bien sûr. Ouais. C'est ma théorie. Ouais. Nous allons avoir dans une heure au téléphone celui qui va régler le problème. Michel Simès. Michel Simès, ok. Enfin. S'il y a un mec qui s'y connaît en médecine aujourd'hui, le mec il a fait le magazine de la santé, le mec il a inventé les maladies. Ouais, ouais, ouais. Michel Simès va nous expliquer qui a raison et pourquoi est-ce que nous les hommes on a l'impression de souffrir plus que vous et vous, vous pensez qu'on est des petites chiochottes. Et tu l'as eu au téléphone avant pour qu'il soit un peu de notre côté ou ouais. Oh, alors, attention. Hein, figure-toi que je l'ai eu au téléphone. Ouais, alors ouais. Et il a commencé à m'expliquer, il fait non, je veux pas savoir, tu nous le diras en direct. Ah, c'est bien. Oh, c'est bien, risqué. Manu. Donc voilà. Ouais. Et si jamais, effectivement, ça penche vers les filles, je raccrocherai. Voilà. Ça va se passer dans une heure. Restez bien là, ce sera après les infos de 8h30. On va écouter Dinoro avec Gigi D'Agostino. Ça arrive pour vous dans 2 minutes. Et juste après, on va jouer au meilleur jeu radio du monde. Vous nous appelez maintenant 0870 42 48. On vous offre vos places pour les Energy Music Awards. Et c'est pas tout. Transport et hébergement. Super. Ça va se passer le 10 novembre prochain. Vous nous appelez maintenant. Avant ça, juste une info. Il y a des, en fait, il y a des choses comme ça dans la vie. Tu te dis, c'est pas possible que ça arrive. Ouais. Et pourtant, si ça arrive. Aux États-Unis, un homme a publié une annonce sur un site, genre Le Bon Coin, ok ? Ouais. Pour y vendre de la cocaïne. Mais non. De la drogue. Ouais. Le mec a mis une annonce. Et dans l'annonce, il a mis son téléphone. Mais non. Probable. Bah, évidemment, la police donc est tombée sur l'annonce. Et évidemment, ouais, grâce au numéro, ils ont retrouvé le mec qui est en prison. Il n'avait pas les notions de tout ce qui est illégal, en fait. Il s'est un peu perdu. Je ne sais pas. Mais ce qui est drôle, c'est que Le Bon Coin, t'enlèves une lettre, ça fait Le Bon Con. Ah. Dans 3 minutes, on joue au meilleur jeu radio du monde. C'est le jeu des 5 mots, juste après Dinoro sur Energy. This is what we're waiting for. In my- Bienvenue sur Énergie, il est 7h39. Comme chaque jour, on est là avec vous et on va s'éclater. Ouais. Il n'y a pas d'autre mot et pas d'autre façon de le dire. On va s'éclater. T'es obligé d'avoir le sourire quand t'écoutes ça. Trois cafés gourmands, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Et attention, tout de suite, on vous envoie au Energy Music Awards. Mm-hmm. Fabien est avec nous. Bonjour Fabien. Salut Manu, salut les ouais. Salut. Nous allons jouer ensemble au meilleur jeu radio du monde, comme chaque jour, à la même heure à peu près. Vers 7h40, on vous offre des beaux cadeaux en jouant au meilleur jeu radio du monde, le jeu des 5 mots. Aujourd'hui, Fabien, je t'offre 2 places pour les Energy Music Awards, plus le transport pour venir là-bas, plus l'hébergement sur place. Allez. C'est mieux que le Père Noël, Manu. Pour toi et la personne de ton choix. Oui, c'est mieux que le Père Noël. C'est Noël avant l'heure, là. Fabien, attention, voici les règles du jeu des 5 mots. Quelqu'un de l'équipe va sortir maintenant du studio et c'est Paulette. Oui. Ah, cool. Allez, Paulette, j'ai confiance. Paulette est surprise, mais elle n'était pas sortie de la semaine. Elle se dit, ouais, c'est normal. Attention, Paulette est dans le couloir. Elle n'entend plus ce qui se passe. Je vais te donner 5 mots, Fabien. Après chaque mot, tu me donnes le premier mot qui te vient à l'esprit. Ensuite, Paulette revient. Je fais pareil avec elle. Et dès que vous avez un mot en commun, c'est gagné. Attention. Allez, tu es à ça, de venir au Energy Music Awards. Allez, je croise les doigts. C'est parti, au jeu des 5 mots, concentre-toi. Allez. Invité. Dîner. Mixé. DJ. Duel. Champion. Reçu. Courrier. Espace. Satellite. Satellite. Oui. Satellite, c'est bien, c'est précieux. Satellite. Franchement, là, on est sur un bon mood. Mais c'est mal connaître Paulette. Arrête, non, pourquoi je fais pas ça? Est-ce que je vais y arriver, c'est ça? Paulette, moi je crois en toi, moi je sais que tu vas y arriver, allez. Ah, merci. Il suffit d'un mot en commun pour gagner. Paulette, concentre-toi. Oui. C'est parti, on joue au jeu des 5 mots. Ok. Merci d'avoir dit ok. Non, parce que tu m'aurais dit je veux pas. Ça aurait été embêtant, effectivement. Ouais. Invité. Convive. Fabien avait dit dîner. Ah bah oui. Mixer. DJ. Et voilà. Et c'est parti, voilà, c'est gagné. Merci beaucoup. Un mot en commun et c'est gagné, Fabien. Il restait 3 mots quand même. Ok. Duel. Bataille. Il avait dit champion. Ah. Reçu. Ticket. Fabien avait dit courrier. Ah. Espace. Temps. Fabien avait dit satellite. Eh oui, on est chaud. Super. Ça va, Paulette, et moi ça suffit, c'est très bien. J'aime bien, il m'encourage comme si j'avais 4 ans. C'est un peu ça. Merci. Tu sais que on est payé pour te garder, Paulette. Hein. On est payé 10 euros de l'heure, je te le dis. Fabien, bravo à toi. Le 10 novembre prochain, tu seras au Energy Music Award. Tu seras avec nous. Ça va se passer à Cannes, la cérémonie. Tu y seras dans la salle. Tu verras les plus gros artistes du moment. Et en plus, le transport, c'est gratuit. Et l'hébergement sur place le soir, c'est payé. C'est Energy qui t'offre ça. Super, merci beaucoup. Eh bien, merci à toi, Fabien. Vous pouvez gagner vos places pour l'Energy Music Award toute la journée en écoutant Energy. La journée, c'est dès que vous entendez en ce moment 2 hits à la suite de Soprano. Ouais. Ah. Dès que vous entendez 2 hits à la suite de Soprano, il faut appeler Energy au 3937 et vous repartez avec vos places pour l'Energy Music Awards. 7h43, voici 3 cafés gourmands sur Energy. Et juste après, on va écouter les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. C'est Nico Lueb qui s'en occupe. Ah, Manu, tu vas être content. Pourquoi ? On a reçu encore plein de messages avec des imitations de Maître Gims. Ah, t'as lancé une vraie mode. Dans 3 minutes sur Energy. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle, oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle? Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. acheter des tableaux et des vaches en photo. C'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit goût de gnôle, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre, plus sur les monnaies d'hier. C'est pire qu'un testament, au-delà d'une confidence. On est les petits enfants de ce joli coin. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi sert nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai la Corrèze en cathéter. D'être avec vous ce soir, j'ai le cœur qui pétille. Mimi, sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Alors non, non, si Mimi est au bar et qu'il y a des gens qui disent Mimi, sers-nous à boire, on a les yeux qui brillent, non, non, vous rentrez et on garde les clés de la voiture. Ouais, ouais. Et moi, c'est important de le rappeler. Il est 7h47, on va s'écouter une nouveauté énergique, j'adore. Je crois que c'est une reprise, non? Ça me fait penser à quelque chose. Mais moi aussi, ça me fait penser à quelque chose. J'adore. Kaiser Panda, ça arrive pour vous dans 3 minutes. Mais avant ça, Nico a récupéré les messages que vous nous laissez sur les réseaux sociaux et les messages vocaux que vous nous envoyez sur l'application Manu dans le 6-9. Il fait ça tous les jours parce qu'il n'est pas débordé. Non. Et il partage tout avec nous parce qu'il est tout simplement un cœur ouvert. Oh, wow. C'est gentil ça. Mais je t'en prie, il fallait que je termine une phrase. Ouais, c'est ça. Bon, hier, on a terminé justement l'émission en beauté. On a parlé de nos petites fiertés du quotidien. Par exemple, quand t'arrives à ouvrir un pot de confiture du premier coup. C'est tellement bien. Et j'avais même dit qu'il y avait mieux que ça. Ouais. Quand deux personnes ont essayé avant toi et que toi, t'es la troisième, tu fais. Et là, là, t'es fier. Sur Facebook, il y a Eric qui dit quand tu jettes un papier et qu'il atterrit directement dans la poubelle. Ah ouais. Ça, le panier, le panier. Ah ouais. Souvent, personne te voit. C'est tellement. T'as envie que la terre entière te voit et souvent, personne t'a vu. Ah non, c'est parce que tu nous mens, c'est tout. Ah non, non, je l'ai fait souvent, ça. Eh ben, il fallait le prouver. Voilà, c'est la discussion qu'on a dans les bureaux. Chloé aussi sur Twitter, quand tu réussis ton créneau du premier coup. C'est rare. Et, sans toucher aussi. C'est impossible. Une autre fierté du quotidien, c'est Céline sur Facebook qui dit quand tu te mets du vernis sur les ongles sans déborder. M'en parle pas, tous les jours je me fais ça. Je savais que ça touchait. Oh là là là là. T'as vu Manu? Et puis t'es obligé de prendre le petit coton-tige là pour, hop, pour effacer tout ce que t'as mis autour de l'ongle. Hein. C'est chiant. Ouais, je ne comprends pas ce que tu dis. Excusez-moi. Je passe un autre message du coup de Iris qui nous dit quand je n'oublie pas mon sac pour aller au supermarché. Putain, c'est vrai. Ça, tu peux être fier. Tu peux être fier de toi parce qu'il y en a marre de cette collection de sacs qu'on a tous dans nos voitures, quoi. Ouais. C'est quoi, on a tellement de sacs dans nos voitures, je pense qu'on pourrait remplir deux fois la planète Terre avec. C'est fou. Et il y a une autre fierté du quotidien, Greg sur Facebook, il dit quand t'as repassé ta chemise sans faire de pli. Ça, c'est dur. Mission impossible quasiment. Il faut avoir le bon fer à repasser, je vous rappelle. C'est pas les petits fers qui servent à rien. Non, parce qu'on vous rappelle que Nico, il a un problème avec les fers à repasser, c'est vraiment sa passion. C'est vous dire s'il a une vie de merde. Non, mais ça vaut un peu plus cher, mais prenez une centrale. D'accord. Non, mais c'est vrai, tu vois. C'est un investissement important, le fer à repasser. Bon, Manu, ça ne s'arrêtera jamais. Ah. Tous les jours, on reçoit de plus en plus d'imitations de Maître Gims par message vocal sur notre application. Parce qu'on rappelle que c'est toi qui a lancé quand même cette mode avec son hit. Je pourrais le faire pendant des heures. Et oui. Et comme hier, bah du coup, j'ai récupéré tous les meilleurs messages et j'ai fait une compilation avec. Le pire, nous aussi, Manu, on peut le faire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Tu l'as voulu, tu l'as eu. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. 3, 4. Le pire. 5, 6. Le pire. 7, 8. Le pire. Le pire. C'est quoi? Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. Le pire. C'est génial. Ah ouais. Et t'as vu qu'elle est de plus en plus longue. Je pense que lundi, elle fait 6 minutes. Ah mais alors, excusez-moi, allez-y. Passez votre week-end à ça. Faites-le. Le pire. Le pire. Ah, et on continue, la compilation va s'agrandir. Bah oui, jusqu'au mois de juin. Ah là là, j'adore. J'adore. Et là, c'est que le meilleur. Imaginez le pire. Le pire. Non. J'adore, vous y allez, l'application Manu dans le 6-9, vous pouvez envoyer vos messages. Mais avec l'ampleur que ça prend, Maître Gims va finir par tomber dessus, il va nous arriver des bricoles. Hein. Moi je vous le dis. Ah bah non, tu rigoles ou quoi? Quel bel hommage. Un hommage. Attends, il lui fait une promo de dingue là, il va vendre des disques encore plus Non, franchement, la vérité, c'est gentil, Paulette. Je pense qu'il s'en branle. Kaizen Panda sur Energy. Bon, et bien, bienvenue sur Energy. C'est Manu dans le 6-9 avec vous comme chaque matin. De Colombia hasta Portugal, de España a Brasil hasta Panamá, Puerto Rico también lo sienta en Venezuela, pero no. Oye, la fiesta a ti te llama, suéltate el pelo y salta de la cama, estamos ready, la noche muy larga, así que vamos a quitarnos toda la caña. Si tú estás bien, habla portugués, conmigo mujer y si no pues tú no ven, esta noche llego a hacerme con el parque, de noche me flauco como Yandel. En el barrio, guaraná, rumba y tequila. Déjate de tres mamacitas. Todo el mundo quiere, todas las mami lo quieren. Sé que prefiere, mami, tu cuerpo no miente. La gente. La question qu'on s'est posée, Kaizen Panda à l'instant se dit mais c'est une reprise. Et oui, c'est une reprise de ça. Les mashup. C'est pour ça que ça nous disait un truc. Bah oui. Dans les deux cas, on comprend pas les paroles. Oui, mais eux non plus. Hein. C'est ce qu'on appelle une chanson faite sous alcool. Oh là, c'est pas bien ça. Ah mais elle est en français la version originale. Ah ouais. On découvre des trucs en direct. Hein. C'est génial. C'est génial. Vita et Slimane, ça arrive dans un instant. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes, si tu l'entends.

il y a une chanson spéciale qui s'appelle Tomber encore. Mmh. Ouais. Je vais vous faire écouter un petit extrait, c'est ça. Je ne vois plus que toi quand tu croises les gens. Donc c'est l'album de Johnny Hallyday qu'il avait enregistré évidemment avant sa mort, ouais, qui sort aujourd'hui. Mmh. Et cette chanson, Tomber encore, a été écrite par un fan. Ah ouais, ah ouais. Un mec a été voir Johnny Hallyday après un concert, il l'a attendu, et il lui a donné son cahier avec des textes de chansons. Wow. Le soir même, Johnny lisait les textes, il en a trouvé une géniale, et ben c'est celle-là, elle est sur l'album. C'est trop incroyable. Cool. Wow. Enfin, là, tu te la pètes à vie, quoi. T'as écrit une chanson pour Johnny, quoi. Ouais, mais personne te croit. Ah ouais, non mais c'est ça. T'arrives et tu dis au dîner, bah cette chanson que vous écoutez, c'est moi qui l'ai écrite. Ouais. Eh bien Bernard, allez, tu nous resserres à boire et tu fermes ta gueule. Je vous jure que c'est vrai. Oui oui c'est vrai. Allez, 8h05, on double votre salaire. Manu dans le 6-9, tous les matins sur Énergie. Manu double votre salaire. Il suffit de vous inscrire et évidemment c'est gratuit. Énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou l'application Manu dans le 6-9. C'est ce qu'a fait Julie. Elle a 29 ans, elle habite Fontenille, c'est en Haute-Garonne et elle touche 1445 euros chaque mois. Julie de Fontenille, on t'appelle pour te doubler ton salaire. Allô, c'est Julie ? Oui. Oui. C'est bien Julie ? C'est bien moi. C'est bien Julie de Fontenille en Haute-Garonne. C'est ça ? Oh, il y a de la friture dans le téléphone. Ouais. C'est un écho. Ça arrive des fois, tu parles et tu t'entends en écho. Je te rappelle Julie, bouge pas. Parce que j'ai une question à te poser qui est un peu importante. Excusez-moi, genre. Bah non, mais il faut, c'est ça, faut faire, ouais, faut rappeler. Faut rappeler, ouais. Ouais, normalement ça va mieux. J'espère. Ça va se recaler. J'aimerais pas faire toute l'émission à passer ça. Allô ? Allô Julie ? Oui. Oh non. Je te rappelle. Oh. Ah, j'y peux rien. C'est pas de ma faute. Excusez-moi. Attention. Voilà. Alors, hop. Oh merde, le ça, merde, petit merde, écho, c'est relou ça. Ah, c'est pénible, c'est pénible. Dans la vie, il y a deux trucs qui sont vraiment galères, c'est les gens qui meurent de faim et l'écho dans le téléphone. Ouais. Attention. Allô ? Julie ? Oui. Oh non. Bon, écoute, on va faire avec l'écho, hein, tant pis. Ouais, hein. Ouais. Quel est le seul animateur radio qui double ton salaire ? C'est Manu sur Énergie ! Et ben voilà, Julie de Fontenille, Haute-Garonne, ton salaire c'est 1445 euros, je vais le doubler, ça va faire 2890 euros pour toi. Génial. Et ouais, c'est pas mal. Ouais. Tu es gestionnaire de rayon chez Monsieur Bricolage. C'est ça. Oh, ah ouais, cool. Est-ce qu'il y en a qui... Est-ce qu'il y a des gens pour rigoler, parfois ils t'appellent Madame Bricolage ? Oh oui. Ah, ah. Il n'y a pas que moi. Et ben voilà. Et ben voilà. C'est rigolo. T'as le même humour que les mecs qui viennent chez Monsieur Bricolage. Ouais, voilà. C'est bien. Alors moi-même je bricole aussi, mais je n'ai jamais osé le faire. Voilà, voilà. Et apparemment ça fait plaisir à Julie. On te double ton salaire, bravo à toi, 2890 euros, on t'embrasse fort Julie. Merci beaucoup. Gros bisous. Ça peut vous arriver vous aussi. Il suffit de vous inscrire, énergie.fr, Manu dans le 6-9.com ou sur l'application Manu dans le 6-9. Dans 3 minutes, c'est les concours du jour. Ça arrive juste après Vita et Slimane sur Énergie. Soyez les bienvenus. Je ne sais pas faire, j'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal. Quand t'es pas là. Quand t'es pas là. Toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te parle. partir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire, j'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Bienvenue sur Énergie, il est 8h11, on va s'écouter Calvin Harris, ça arrive dans 3 minutes. Et tout de suite, voici des gens improbables qui font des choses improbables. Comme chaque jour, je vous raconte 3 histoires. 3 histoires vraies qui se sont passées dans le monde. Ouais. Yes. Parce que tous les jours, il y a des concons. Et, oui. Et merci à eux. Bah oui. On démarre en Bourgogne. Attention, aujourd'hui, tous les concons sont français. Ah. Ah. Souvent on dit, ouais, les concons ils sont aux États-Unis, hop hop hop. C'est sans compter sur notre capacité à être concon aussi. Soyons fiers le nom concon. On démarre en Bourgogne, un homme se rend à son bureau, il sort ses affaires, il commence à travailler. Sauf qu'en réalité, il n'est pas du tout à son bureau. Ah. Voilà. Il n'est pas du tout à son travail non plus. Ouais. Ah. Ouais. Il est dans un commissariat où il est entré et s'est installé. Oh. À l'accueil. Et là vous dites, mais pourquoi? Bah parce ouais. que le mec était totalement bourré. Oh là et là le policier de l'accueil qui s'était absenté une minute tombe sur le mec assis à son bureau en revenant. Oh non. Il l'arrête et pour info, si vous vous posez la question, il était à 2,2 grammes. Ah, ouais. Les ravages de l'alcool. Exactement. C'est-à-dire que toi, quand t'as bu, t'as envie de danser ou de dormir. Le gars a envie de bosser. Ouais. C'est pas normal. Franchement, moi j'aurais été le flic, j'aurais dû l'écouter, aller faire des photocopies. Non, si on peut même plus bosser. Bon. En Savoie, un cambrioleur tombe nez à nez avec le propriétaire de la maison qu'il est en train de cambrioler. Du coup, il prend la fuite et sur place, il oublie son sac qui contient ses papiers d'identité. Aïe, aïe. Donc déjà, on se dit que le mec est foutu. Ouais. Et le petit truc en plus, c'est que la police n'a même pas eu à aller le chercher chez lui parce qu'une heure plus tard, le mec est allé lui-même au commissariat. Pourquoi ? Pour signaler le vol de ses papiers. Mais non. Ah. Voilà. Alors il n'est pas ressorti du commissariat. Ah bah oui. Dernier concours du jour, ça se passe en Provence. Un garagiste a été condamné à 6 mois de prison avec sursis. La raison, écoutez bien. Il avait une voiture qui était un peu défoncée, donc il n'avait plus rien à faire. Et avec, il fonçait volontairement dans des voitures garées. Voilà. Il abîmait les voitures garées et il mettait sur le pare-brise une petite pub de son garage. Non. Mais non. Comme ça, les gens, ils voyaient la voiture défoncée, ils disaient, oh la flûte. Ils disaient, oh tiens, il y a une pub pour un garage. Ouais, si j'y allais. Donc le mec faisait ça en espérant avoir plus de clients. Voilà. Oh là là. Et après, on ne comprend pas pourquoi on pense que les garagistes sont parfois les escrocs. Oh. Ouais. Allez, 8h13, on revient tout de suite. On va s'écouter Calvin Harris. C'est Manu dans le 6-9, c'est l'énergie que vous avez choisi. Manu dans le 6-9. Oh Manu, si tu savais tout le bien que tu me fais. Énergie. Destaca cuando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura. Tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar,

Énergie, il est 8 heures main. Little bitches. Little bitches. Ça m'amuse. J'ai 4 ans et ça m'amuse. C'est ça. On va écouter ce Prince Karma. Ça arrive pour vous dans 3 minutes sur Énergie. Et attention, juste après les infos de 8h30, nous aurons au téléphone celui que j'appelle le pape. Ah, je l'appelle comme ça. Je l'appelle le pape, c'est Michel Simès. Ouais. Trop classe. L'homme qui sait tout sur la médecine. Ah ouais. Ok. Le magazine de la santé, c'était lui. Il l'a fait pendant des années et des années. Il connaît tous les médicaments par cœur. Je pense qu'il a même inventé des maladies pour pouvoir en parler mieux que les autres. Nous avons un problème depuis quelques jours. Je vous rappelle ce sondage qui dit que 6 femmes sur 10 sont persuadées que les hommes exagèrent à chaque fois sur ce sujet quand ils sont malades. Moi, ma théorie est que nous, quand on a un rhume, il est beaucoup plus fort que vous. Ouais. Voilà, c'est ma théorie, que nous, on souffre beaucoup plus. Ouais. Vous, vous pensez que pas du tout. Moi, ma théorie, c'est que vous êtes des petits douillets. Mais non. Voilà, voilà. Nous allons avoir la réponse. On verra, ouais. Nous allons savoir pourquoi et qu'est-ce qui se passe vraiment avec Michel Simès. Ouais. Si évidemment il n'abonde pas dans mon sens, je le paierai. Tout simplement. Je le paierai cher pour qu'il dise oui, en fait, t'as raison. Même. Avant ça, je vous avais dit que j'avais une liste de petits dilemmes du quotidien. C'est des petits dilemmes. En fait, on n'y fait pas gaffe, mais en fait, on se retrouve avec tous ces dilemmes tous les jours. Exemple, aller aux toilettes parce qu'on est pressé. Ou continue à regarder la télé. T'es là, tu sais que ta série, il reste encore 3 minutes, t'as une envie de faire pipi énorme. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets sur pause pour t'arrêter, pour aller faire pipi, ou alors tu te dis, allez, je tiens. Ah, il faut que t'y ailles, c'est trop risqué, quoi. Ah non. T'imagines? Ah non, non, mais t'imagines, c'est le drame est vite arrivé. Hein. Oh, si jamais non. Ah bah non, ça va. Franchement, on sait jamais. Hein. Oh. Moi, c'est ce que je dis à mon petit garçon, tu peux faire pause sur la télé, mais pas sur ta vessie. Parce que la vessie. C'est joli, c'est beau. Merci, merci. Non, parce que la vessie, c'est très sensible et très fragile. Et puis sur la télé, si tu regardes une série, tu peux faire retour en arrière, pas sur le pipi. Hein. Exactement. Un petit dilemme du quotidien, faire la bise à tout le monde en arrivant à une soirée ou faire signe à l'attention de tout le monde. Ah. Alors moi je suis signe à l'attention de tout le monde. Ouais. Mais non, mais parce que quand tu commences à faire la bise à personne et qu'il y a 15 personnes, en fait il y a un silence qui s'installe et tout le monde te regarde. Ouais, c'est ça. C'est gênant. Ouais. Moi l'avantage c'est que j'arrive toujours le premier, quoi. Je suis sûr, moi le mec qui est hyper à l'heure, donc comme ça j'ai pas besoin de me poser la question. Ah oui, mais je parlais pas pour toi, hein, je parlais pour une autre personne dans l'équipe qui peut-être arrive toujours en retard. Oui. Ah, t'es là, tiens. C'est quoi, j'avais pas vu que t'étais là. Autre dilemme du quotidien, faire une lessive pour avoir des caleçons propres ou mettre un maillot de bain en guise de slip. Ok, soyez honnête, vous avez jamais mis un maillot de bain parce que vous aviez plus de caleçons? Non, jamais. Eh, moi non plus. Je sais pas qui sont ces gens qui font ça, mais vraiment, je trouve ça très chelou. On continue la liste. Faire une lessive. Ah non, pardon, je viens de la faire celle-là. Ouais. Faire la cuisine ou dépenser 10 euros minimum par soir en se faisant livrer un truc. Faut arrêter là, les gars, faut faire vraiment la cuisine. C'est rapide, hein, un petit gratin de butternut, moi j'ai fait hier soir. Franchement, ça m'a pris 5 minutes. Un petit artichaut vinaigrette, 2 minutes. Non, mais vraiment, allez-y, faites à manger au lieu de dépenser tout votre argent. Isabelle, qu'est-ce qu'il y a, Manu? Plusieurs choses. Un, cette phrase a été trop longue. Deux, je considère que tu ne dois 15 secondes de vie. Tu es débiteur de vie pour moi. Et trois, ne prononce plus jamais le mot butternut dans cette émission. Ok, Manu, promis. Autre dilemme du quotidien, accepter les demandes de contact des membres de sa famille sur Facebook ou faire comme si de rien n'était et dire qu'il y a sûrement eu un bug. Alors, c'est comme la bise, quand tu commences à en accepter un, faut tous les accepter. Du coup, faut pas commencer, ça bug. Ouais. Ah, t'acceptes, mais tu mets dans un groupe privé pour pas qu'ils voient tout. Ça, c'est la technique, merci Facebook. Hey, 8h24, on revient tout de suite. Later, bitches. On va écouter The Prince Karma, les infos arrivent à 8h30 et juste après, nous aurons Michel Simès au téléphone qui va répondre. Le grand médecin de France, le plus grand médecin de France va répondre à cette question. Pourquoi nous, les hommes, quand on a un rhume, on souffre autant? Et pourquoi vous, les femmes, vous pensez qu'on est juste des petites chuchotes? La réponse, dans 3 minutes, restez là. Je le bénis. On va enfin avoir cette réponse. Ah, tout de suite. Bienvenue sur Énergie. C'est le week-end, aujourd'hui c'est vendredi. C'est Manu dans le 6-9. Vos stars Énergie préférées vous attendent à Cannes. C'est Soprano sur Énergie. Dès que vous entendez le double hit Énergie. Avec deux titres de Soprano à la suite. Appelez Énergie 3937. Et gagnez vos invitations. Pour assister au Énergie Music Awards. Le 10 novembre à Cannes. Énergie. Hit music only.

Michel, quelle que soit ta réponse, n'oublie pas que tu es avant tout un homme. Ah, la solidarité. Avant ça, voici les infos. Toute l'actu avec Morgane Barthélémy. Salut Manu, bonjour à tous. La météo avec un conseil très simple. Profitez, ça brille encore largement partout en France aujourd'hui. Un peu de grisaille sur la pointe nord et les Pyrénées ce matin, mais ce sera déjà oublié cet après-midi. 17 degrés à Arras, 21 à Dijon, Lorient et Castres, 23 à Auxerre, 25 pour les maxi à Toulon. Ce week-end, quasiment pas un nuage en vue, soleil et douceur au programme. Et dans l'actu ce matin, ils n'ont pas hésité à braver le froid et la fatigue pour leur idole. Des centaines de fans se sont pressés partout en France cette nuit pour acheter l'album posthume de Johnny Hallyday. Mon pays, c'est l'amour est sorti à minuit et de nombreux magasins ont joué les prolongations jusqu'à 3h du matin. Elle, en revanche, elle reste bien fermée au public. Malgré le lancement de l'opération nettoyage, ce sont désormais 24 plages du Var qui sont touchées par l'arrivée de plaques de mazout. Elles débarquent en continu depuis la collision de deux bateaux au large de la Corse. La mairie de Ramatuelle a porté plainte. Teddy Riner, Nicolas Karabatic ou encore Martin Fourcade, ils sont près de 380 sportifs français à écrire à Emmanuel Macron pour exprimer leur inquiétude. Le ministère des Sports prévoit la réforme du statut de 1600 postes et une réduction massive de budget l'année prochaine. Dans une lettre ouverte, les champions demandent au président de sauver le sport associatif et tous ceux qui encadrent les plus jeunes dans les clubs. Un mot de foot avec la 10e journée de Ligue 1, Lyon-Nîmes à l'affiche ce soir à partir de 20h45. Demain, le PSG recevra Amiens et Monaco se déplacera à Strasbourg. Elle a désormais toute sa place dans les salons. La console de jeux vidéo fait décidément partie de notre quotidien, selon une étude. Un Français sur deux prend sa manette régulièrement. Un loisir pas spécialement réservé aux plus jeunes ou au public masculin, d'ailleurs, puisque la moyenne d'âge est de 39 ans et les femmes représentent près de la moitié des joueurs. Les jeux même sont désormais considérés comme de véritables œuvres d'art par 8 Français sur 10. Ils troquent les boîtes de nuit pour une salle mythique. César et Dorian d'Offenbach vont mixer pour la première fois de leur carrière à l'Olympia demain. Un beau symbole pour les deux Parisiens en plein boulot sur leur album. On y retrouvera notamment une collaboration avec le duo américain Sophie Tucker qu'ils ont rencontré il y a quelques semaines à Paris. Bien, alors ils viennent de l'autre côté de l'Atlantique. On est assez proches dans notre univers musical. Ils ont cet amour des guitares distordues avec des rythmes assez deep house, donc des trucs dansants, mais avec quand même une empreinte assez rock. On a vraiment un univers en commun. C'est Be Mine aurait pu être une chanson de Sophie Tucker et Drinky une chanson d'Offenbach, quoi. On les a rencontrés en fait. On avait vraiment envie de faire quelque chose avec eux et de les rencontrer tout simplement. Donc voilà, on échange beaucoup avec eux et on teste des choses, on va dire. Voilà une interview de Morgan Darien. Offenbach également nommé parmi les DJ de l'année au NRJ Music Awards. Les votes continuent sur NRJ.fr. Voilà pour vos infos. Manu dans le 6-9 tout de suite. Bon réveil sur NRJ. Il est 8h33, soyez les bienvenus sur NRJ, c'est le 19 octobre, aujourd'hui ça sent le week-end qui arrive, bonjour vendredi ! Bonjour vendredi ! Tous les wouah du matin sont là évidemment avec moi, il y a Isabelle, salut, il y a Paulette, et oui. Nico, bonjour, il y a Glandu, grande forme. On va s'écouter The Prince Karma dans deux minutes, juste après c'est les sondages du matin. Alors attention, pour les sondages du matin, ouais. Je vais avoir besoin de 5 filles dans le studio avec leur sac à main. Ouh, oula. Parce que je vais tester en direct un des sondages. Ouh là là. Ouais. Donc il y a déjà Isabelle, il y a Paulette, il y a Anka qui travaille avec nous, ça fait 3. Ouais. Il faut qu'on trouve 2 autres filles parce que je vais tester en direct un sondage. Ah, on va aller dans les bureaux, mais je suis pas sûr qu'il y ait grand monde à ce temps-là. Ah, des gens de. Si, les gens de l'équipe de Koé qui dorment ici. Ah, c'est vrai. Ils ont fait la fête hier, on va en avoir 2-3, on va les trouver. On va trouver. Avant ça, attention les amis. Nous allons avoir enfin la réponse à une question que toutes les femmes et que tous les hommes de la planète Terre se posent. Ah. Il y a 2 vraies questions sur Terre qu'on se pose. Dieu existe-t-il et est-ce que les hommes sont vraiment des chouchottes quand ils ont un rhume? Alors pour Dieu, c'est encore assez vague. Pour les hommes qui ont un rhume et qui se plaignent, nous allons voir la réponse maintenant. Nous appelons en direct Michel Simès. Je vous rappelle que nous avons un sondage qui dit que 6 femmes sur 10 sont persuadées que les hommes exagèrent à chaque fois quand ils sont malades. Mais oui. La seule personne capable de nous répondre, c'est le médecin. Le médecin des médecins. Le médecin des médecins des médecins des médecins du monde. Aha. Cet homme s'appelle Michel Simès. Wow. Et normalement, il vient de décrocher son téléphone. Et il l'a fait. Oh. Wow. Michel, merci. merci beaucoup d'être là avec nous ce matin pour donner la réponse à cette question que nous nous posons tous. Avant que tu nous donnes la réponse, je te rappelle, Michel, que tu es un homme. Et que la solidarité masculine, évidemment, joue de façon importante. Je rappellerai aussi que j'ai ton numéro de portable devant les yeux. Et que tu n'aimerais pas que je le donne. Et je suis un homme, mais je suis aussi et surtout, Manu, un médecin. Ah, voilà, ça c'est la classe. Voilà. En fait, non. Je suis désolé, Manu, il n'y a pas de sensibilité particulière. Même pour les hommes que pour les femmes. D'accord. La sensibilité à la douleur. Oui, pour une même cause, la douleur est la même. La seule chose, c'est que pour des raisons, d'une part probablement hormonales, mais aussi socioculturelles, éducation, etc., les hommes l'expriment différemment et semblent plus douillets. Mais alors, ce qui est très très étonnant, en fait, c'est probablement que le seuil de tolérance de la douleur est différent chez les hommes que chez les femmes. En gros, les femmes ont presque l'habitude, j'ai envie de dire, de souffrir, soit pendant l'accouchement, soit pendant les cycles, les règles, etc. Et que les hommes n'ont pas l'habitude de souffrir, donc ils expriment les choses différemment. Mais, ce qui va à l'encontre de ce que je viens de dire, c'est que les femmes ressentent probablement une douleur plus importante que les hommes pour une même cause. Donc c'est ça qui est assez étonnant. Finalement, les femmes souffrent plus, mais elles l'expriment moins que nous. Et quoi voilà. Merci Michel. Ok, mais ça ne résout pas le problème du créneau. Ça ne résout pas le problème du créneau. Mais moi, ça explique pourquoi j'ai la cote auprès des téléspectateurs. Ouais. C'est quoi, t'es fort? Il est malin, il est bon. Ah, mais c'est quoi? Je vous l'avais annoncé, c'est le meilleur. Ouais. C'est le meilleur. Et Michel, donc, on peut dire que vous êtes des chouchottes, très clairement. On est, disons que nous l'exprimons différemment et que pour une même douleur, on l'exprime, on le supporte un petit peu moins. Mais voilà, on souffre aussi. Un homme peut souffrir. Ah oui. Et je retiens un truc que tu as dit quand même, c'est parce que vous êtes aussi habitué, effectivement, il y a les règles, l'accouchement, donc ouais. Vous êtes habitué à la douleur. Tout ça pourquoi? Parce que je vous le rappelle au départ, c'est vous qui avez mangé la pomme. Excusez-moi, Adam, il a vu le serpent, il s'est pas dit, je vais goûter la pomme, alors que vous. Et vous savez, Manu, qu'un jour, Ève a dit à Adam, Adam, est-ce que tu m'aimes? Et Adam lui a répondu, est-ce que j'ai le choix? Oh, la belle histoire. Et après, il a bu un verre, il a regardé le serpent, il a fait. Oh, vous avez tout gâché. Michel, merci beaucoup. Merci à vous. Je vous embrasse et bonne journée. Attends, l'émission, c'est toujours le 31 octobre? C'est le 31 octobre, ma première émission qui s'appellera Ça ne sortira pas d'ici, que je voulais appeler Un suppôt et au lit. Mais oui. Mais je fais un petit clin d'œil à ce titre à la fin. Et effectivement, c'est une consultation médicale. Il y aura Laurent Ruquier, Gérard Jugnot et Claudia Tagbo qui vont passer dans mon cabinet. C'est une nouvelle émission, elle est très sympa et très marrante en deuxième partie de soirée à 22h55. C'est génial. Ouais. C'est Michel Simès. On sera devant la télé. Ouais. Et donc, ça devait s'appeler Un suppôt et au lit. Ça s'appelle Ça ne sortira pas d'ici. Ce qui a un rapport, hein, ça ne sortira pas d'ici, hein, quelque part. Sur le plan sexuel. Michel, n'en dis pas trop sur ta vie. Non. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Salut à tous. Ciao. 8h38. Dans 3 minutes, c'est les sondages du matin qui arrivent sur Énergie. Juste après The Prince Karma. Bon réveil. Bienvenue sur Énergie. C'est Manu dans le 6-9. What the hell do you mean I've got to wait in line? This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Sanchez. Bitches. Bon réveil sur Énergie, il est 8h41, on va écouter le dernier MHD. Ça s'appelle Bella, comme le Bella de Maître Gims. Il avait pas de titre, il a paniqué. Je vais faire comme être Gims. Ça arrive pour vous dans 3 minutes avant ça, comme chaque jour. Voici les sondages du matin. Alors attention, les sondages spéciaux ce matin. Ouais. J'ai dit que j'avais besoin de 5 filles dans le studio avec leur sac à main pour vérifier un sondage. Ouais. Isabelle est là avec son sac à main. Paulette aussi. Oui. Anka qui travaille avec nous. Bonjour. Et on a Camille du service jeu qui est avec nous. Oui, bonjour. C'est elle qui vous envoie les cadeaux quand vous les gagnez. Ou c'est elle qui oublie de les envoyer quand vous les gagnez. Non, mais non. Et on a aussi Mélissa qui est en stage à Énergie. Alors bonjour. Attention, vous êtes toutes là avec votre sac à main. Oui. Restez bien là, dans un instant, nous allons vérifier un sondage, nous allons tester un sondage. Ouais. Avant ça, le premier, c'est la phrase de rupture la plus utilisée dans le monde. D'après vous, qu'est-ce que c'est, Isa? Je suis pas prêt pour construire. Ah, c'est pas con ça. Ouais. Là, c'est plus simple que ça. Ouais. Je ne t'aime plus. Finalement. Alors c'est direct, mais c'est pas la plus utilisée. Ok. Paulette. J'ai besoin d'être seule. Non. C'est de ma faute. Ça vient de moi, quoi. Bah c'est ça. C'est pas toi, c'est moi. Ah ouais, on la connaît. Et on pense que ça permet de faire passer mieux le truc, mais apparemment non. Non, sachez que de toutes les manières, c'est faux. Donc, oui, mais c'est mieux que de dire, bah non, en fait, c'est toi. Bah, bah oui, mais bon, la vérité, t'as pas envie de l'entendre. C'est horrible. 6% des hommes pensent qu'ils en ont un beaucoup trop gros. Oh. 6% des hommes pensent qu'ils en ont un beaucoup trop gros. De quoi je parle, Isa? C'est le truc auquel on pense tous là en ce moment ou pas? Je sais pas à quoi tu penses. Bah, à ce que tu penses. Ah, ça m'étonnerait. Moi, je pense que j'ai un trop gros feu de cheminée le soir. C'est à ça que je pensais. Ah, ok, alors c'est pas ça. Okay. C'est physique, c'est sur lui? C'est physique, oui, c'est sur soi. Oula. C'est en bas du visage, en dessous de la ceinture? C'est en bas du visage, en dessous de la ceinture? C'est en bas du corps, pardon. Ouais, bien entendu, lui demandez pas votre chemin, hein. Elle est où l'église? Elle est là, à droite ou à gauche? Faites marche arrière et vous avancez tout loin. C'est le mot corps que je cherchais. Est-ce que c'est en bas du corps? C'est en haut du corps. Ok. Un trop gros sourcil? Non, c'est en dessous des sourcils. Non. Un trop gros nez? Bah, un trop gros nez. Ah, ah ouais. 6% des hommes pensent qu'ils ont un trop gros nez. Et rien ne me plaît plus qu'un gros nez. J'adore les gros nez et quand ils sont cassés. Paulette, j'adore. Paulette, ça se voit. Ah ouais, c'est too much. De quoi? Ça se voit, Paulette. Manu a un gros nez. Ah oui. Ouais. Cassé, j'ai dit, cassé. Ah bah ça, s'il suffit que de ça. Bouge pas. Attention, dernier sondage du matin. C'est pour ça que j'ai demandé à avoir 5 filles dans le studio. Ouais. Isabelle, Paulette, Anka qui travaille avec nous. On a Camille du service jeu à énergie et Mélissa qui est stagiaire. Vous avez tout votre sac à main? Oui, oui, oui. Ouais. Écoutez bien. Une femme sur 5 dit avoir 7 objets dans son sac à main. D'après vous, de quel objet il s'agit? Glandu. Un casse-croûte? Non. C'est un sous-vêtement ou pas du tout? Pas du tout. Ah. C'est un objet. Ça se mange? Alors non, c'est un objet. Oui. Ouais. Après, Paulette, tu peux rester dans ton idée et me dire, oui, bah moi je mange par exemple, je mange des cendriers. Je pense un kit main libre. Non, c'est pas ça. Ça a un rapport avec le bricolage? Rien à voir. Ah. Une peluche? Une femme sur 5 dit avoir dans son sac à main, et ouais. Attention, je vérifie que personne ne sorte quoi que ce soit de son sac à main, un sextoy. Oh, mais non! Ah, personne ne bouge! Que personne ne bouge! Ça ne se fait pas de fouiller dans le sac des filles. Une femme sur 5 dit avoir dans son sac à main un objet. Un sextoy. Mais non. Isabelle, montre-moi ton sac à main. Donne-le-moi. Il n'y a rien. Je vérifie. Bon, un petit peu. De toute façon, si j'avais ça, je ne laisserais pas en évidence. Non, je ne fouille pas, je juste. Oh là là, il va regarder dans mon sac, je le crois pas. Oh, mais c'est hyper intime, hein. Dites-moi, ouais. Ce trousseau de clés me semble bien gros. Ok, il n'y a pas de sextoy. Il n'y a rien ? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas un peu de tulle. Paulette, donne-moi ton sac à main. Oh là là. Une femme sur cinq dit que dans son sac à main, il y a un sextoy. Oh là là. Je regarde dans le sac de Paulette. Manu ? Oui. Regarde s'il n'y a pas de double fond. Un truc caché. Paulette ? Oui, oui. Quoi ? Paulette ? Quoi ? Non. C'est quoi ? Ça ! C'est une mandarine. Ok, ça va. Y a rien. Enfin, note à la direction, Paulette pique les mandarines à la cantine. Ok, attention, Anka qui travaille avec nous, ton sac à main. Oh là là. Je regarde dedans. Oh là là. Un foulard, un petit agenda. Ouais. Une petite peluche. Non. Sauf si tu te sers de la peluche et je viens de la toucher, c'est bien. Ok, pas de sextoy. Camille du service jeu d'énergie, est-ce que je peux avoir ton sac, s'il te plaît ? L'étau se resserre là quand même. Ah oui, clairement. Il a l'air bien. Je vous rappelle qu'une femme sur cinq dit avoir dans son sac à main un sextoy. Nous en sommes à trois femmes sans sac à main, sans sextoy. Quoi ? Il y a là. Un, deux. Non, excusez-moi, je vous le sors, je vous le montre. Quoi ? Déodorant. Ouais, mais la forme. Excuse-moi, c'est un déodorant. Oui. Mon déodorant n'a pas cette forme-là. Ouais. Camille, peux-tu expliquer ? Non, mais c'est un déodorant de poche. Ouais. Un déodorant de poche. Calme-toi. J'accepte la réponse, mais c'est quand même limite. Mélissa, notre stagiaire, peux-tu, s'il te plaît, nous passer ton sac à main ? Ouais. Courage, courage, Mélissa. Ah. Attention, j'ouvre le sac. Alors ? Il y a... Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ? Non, quoi ? Je peux pas ouvrir. Ah si ! Ah non, non, non ! Ah si, tu le dis, nous ! Ah non, tu le dis ! Ah non ! Allez, c'est pas vrai. T'as vu, tu dis ? T'as vu, tu dis, Manu ? Ah non ! Il y a quoi ? Je peux pas. Mais il y en a un ? Ah, je peux pas. Mais c'est la chose. C'est un sextoy. C'est génial. Vas-y ! Allez ! Ah non ! Non, je le vois, je le vois. C'est énorme. Je le vois. C'est quoi ? Il ressemble à quoi ? Ceci n'était pas préparé. Je voulais faire ça pour vérifier le sondage. Mélissa. Bah, désolé, mais. Oh, oh, non, c'est pas vrai. Mais quoi ? Manu ! Dans le sac à main de Mélissa. En même temps, en stage, t'as plus de temps. Donc. Merci, merci, Paulette. Non, on peut voir ou pas ? Mais est-ce que je peux sortir ce que je vois dans ton sac ? Oui, tu peux. 1, 2, 3. Un saucisson. Mais non ! Un saucisson ? Mais non ! Mais pourquoi ? Mais pourquoi ? Une femme sur cinq a un sextoy dans son sac ? Non ! Elle est stagiaire, elle a passé d'argent, un saucisson ! Ah, non ! Mais quelle horreur ! C'est ah clair ! Mais on joue pas avec la nourriture ! Mais non, on joue pas avec la nourriture ! Pourquoi un saucisson ? Oh mon dieu ! Mélissa, tu ne viens pas à l'apéro tout à l'heure. 8h48 Oh mon dieu ! On va s'écouter MHD sur NRJ. Un saucisson. Ouah. Elle cache bien son jeu. C'est bienvenue sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9. Elle habite dans ma ville, quand elle me croise, elle me vesquille. 5 ans que je la vois, dans mon bâtiment, c'est ma voisine. Je connais ses frères, c'est méga sûr, même plus grand que moi. Quand elle me voit, un petit sourire et elle s'en va. Bref, on n'a jamais tapé la discute, elle m'ignore grave. La go m'intrigue, mais si je parle, je suis dans le beau drap. À croire que je n'en vaux pas la peine, je ferai pas, mais j'avoue, j'ai la haine. En fait, elle m'attire, comment lui dire, une histoire d'amour peut attirer en lui. Hey, hey, ma belle, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, mon cœur va chier. Seen you, I can't move on. You wind up that waist, making me dance, now I can't move on. Oh, my girl, so sexy. The way she dance, so sexy. So she give me love, sexy. You making me once more sexy, yeah. With your sexy body, come and chop my money, yo. Ay, ay, ay, ay. Oh, yeah, take all my money, put them for your head. Ay, ay, ay, ay. Make we my they go, baby girl, so. Make you drop all my money. Ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay. à naviguer mon heure. Elle pas une autre, c'est dans mes bras qu'elle va trouver le bonheur. Elle est entrée dans ma life, et mon cœur à la mi game over. Hey ma belle, aïe aïe aïe aïe, mon cœur va chiller pour toi ma bella. Aïe aïe aïe aïe. Sur Énergie, il est 8h50. De l'amour, de l'amour, de l'amour. Nous allons avoir au téléphone maintenant Sonia et Dylan. Ouais. Qui ont un premier rendez-vous ce week-end. Ah. Ah. Mmh. On va s'écouter David Guetta, il y aura aussi VG de Rim. Mais avant ça, oui. Love. Wow. Wow. Love. Ah, tu te dis bien, Manu, c'est bien. Oh, ah, c'est non. Dégueulasse. Love. Sonia, bonjour. Bonjour Manu. Bienvenue sur Énergie Sonia. Tu as un premier rendez-vous ce week-end. Tu nous as appelé et on va faire Dylan, oui. Avec Dylan la même chose dans un instant. Vous allez nous raconter votre histoire de premier rendez-vous. Et lundi on va se rappeler à la même heure pour savoir comment ça s'est passé. Raconte-nous ton histoire Sonia. Eh ben donc comme tu l'as dit, ce week-end j'ai rendez-vous avec le prof de physique chimie de mon fils qui est en 5e. Waouh. Là c'est du lourd. Là c'est du lourd, ouais. Comment tu l'as rencontré? À la réunion de parents-prof. Ah oui, c'est logique. Et comme à chaque fin de réunion, on peut voir le professeur, discuter un petit peu. Donc on a discuté ensemble, ça s'est bien passé. Et on va au resto samedi. Mais je t'avoue que je stresse un peu parce que j'ai pas du tout envie qu'il me parle de mon fils, surtout qu'il a 7 de moyenne. Ah. Et voilà. Est-ce qu'il t'a dit... Faut accepter l'invitation, sinon il pourrait avoir 4 de moyenne. Mais tu sais quoi, c'est la première fois que j'entends une histoire comme ça. Ah ouais. D'une mère d'élève qui sort avec le prof. Mais si ça marche, ça peut être super parce que il peut aimer du coup son fils la physique parce qu'il aura un prof à domicile. Oui, mais c'est pas pour ça. C'est pas parce que t'as un prof à domicile que t'aimes la matière. Ouais. Ouais. Je dirais même au contraire. Sonia, tu nous rappelles lundi. On se tient au courant et tu nous racontes comment ça s'est passé avec le prof de physique de ton fils, si vous avez fait des expériences avec des pipettes. Eh ben non, avec plaisir. Oh là là. Mais quel lourdeau. Sonia. C'est pas possible. Tu nous racontes ça lundi. Oui. Oui, avec plaisir, je vous dirai ça. Love, love, love. Rendez-vous lundi. Dylan, bonjour. Salut Manu, salut les copains. Salut. Dylan, tu as un premier rendez-vous toi aussi ce week-end, raconte-nous. Exact, ouais, effectivement, en fait, j'ai rencontré une fille sur Tinder. Sauf que elle m'a avoué qu'elle était végane. Okay. Donc ça me pose un double souci parce que déjà on va manger au restaurant, donc déjà je ne sais pas du tout quel restaurant choisir. Et en plus, maintenant dans tous les restaurants, t'as toujours des plats végétariens. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai. Voilà. Au pire, dans ton sac, tu mets une carotte. C'est pas le gros souci. Ça peut être des brocolis, ça peut être. Oui, bien sûr. Voilà, n'importe quel légume. Effectivement. Ensuite, Dylan. Non, et le plus gros souci en fait, c'est que je suis chasseur, quoi. Alors, honnêtement, le fait que tu sois chasseur, c'est pas un plus gros souci pour toi, c'est un plus gros souci pour les animaux. Oui, effectivement, mais aussi pour elle, enfin, vis-à-vis d'elle, c'est vegan, il va y avoir un couac, quoi. On va lui avouer, quoi. Mais... Et évidemment, tu lui as pas dit. Et non, du tout. Oh, c'est tendu. Ah, c'est... Wow. Ça pue, hein. Alors là, franchement, Dylan. La soirée peut s'écourter. Ça dépend à quel moment tu vas lui dire. Si tu lui dis pas de la soirée, que tu la ramènes chez toi, que ça se passe bien, que vous faites l'amour et qu'à un moment tu fais en fait je suis chasseur. Ouais, c'est compliqué. Mais peut-être qu'à la fin, il peut lui dire tu sais quoi, je suis chasseur. Purée, c'est dur à dire ça. Je suis chasseur, mais grâce à toi, j'arrête. Parce que je te trouve super. Ah oui, c'est quoi, ouais. Je veux dire, ça me fait penser à un truc que j'ai vu à la télé, émission que j'ai vue à la télé. Ouais. En fait, le concept de l'émission, je sais plus du tout où j'avais vu ça. Ouais. Le concept de l'émission, c'était ils mettaient deux personnes dans une pièce. Mm-hmm. Qui ne se connaissent pas. Mm. Et ils discutent. Et mm-hmm. il leur dit discutez ensemble. Et ils discutent, et ils se trouvent plein de points communs. Mm. Et ils discutent. Et à la fin, l'animateur leur dit comment vous trouvez l'autre? Et ils disent il est plutôt sympa, on s'est trouvé des points en commun, c'est marrant. Ils discutent, et tout le monde s'aime bien. Ouais. Et à la fin, ils révèlent en fait quelles sont les idées politiques d'accord. ou culturelles de chacun. Ouais. Et en fait, chacun est totalement différent de l'autre, voire radicalement différent. C'est fort. C'est-à-dire que mais tu pouvais avoir un mec qui était considéré comme raciste. Un autre qui, vraiment t'avais des opposés quoi. Et en fait pourquoi je dis ça, parce qu'en fait les gens se sont trouvés des points en commun sans aucun, parce qu'ils n'avaient aucun a priori au départ. C'est pas mal hein. J'ai trouvé le concept de l'émission génial. Non mais c'est génial ton truc, mais je pense que si Dylan arrive avec deux lapins morts dans les mains pour la rejoindre. Non mais Paulette, quand même. Non mais Paulette, ça ne peut pas, c'est pas lui, ça ne peut pas marcher. Non mais écoute-moi Paulette, quand t'es chasseur, t'arrives pas avec deux lapins morts à un premier rendez-vous. Toi, t'es végétarienne. Est-ce que t'arrives à un premier rendez-vous avec des brocolis dans tes poches? Non, j'arrive pas avec des brocolis. Mais si tu veux, c'est pas possible dans l'absolu, dans la vie entre eux, quoi. Je sais pas. Ouais, dis-toi que vous avez plein d'autres points communs, quoi. Et puis vous aimez les animaux tous les deux, mais d'une façon différente, quoi. Non. Bah, c'est-à-dire qu'il y en a un qui leur court derrière pour leur tirer dessus, et l'autre il est pour les caresser. Ouais, c'est ça. Voilà. C'est compliqué. Dylan, tu sais quoi? Va à ce premier rendez-vous. Sois honnête. T'es honnête, c'est mon conseil. Hein. T'es honnête, sois-le dès le début, comme ça, si vraiment dès le début elle se lève et qu'elle s'en va, au moins tu pourras avoir un autre rendez-vous sur Tinder après. Personne n'aura perdu sa soirée. Ouais. Mais si ça se trouve, tu veux dire maintenant, discutons, parlons ensemble. Ouais. Mais non, Dylan, arrête la chasse, tout l'amour. Oui. Il est pas emballé. Ou alors, tu sais quoi, tu lui dis, viens avec moi, tu vas voir, c'est sympa. C'est fini. Hein. Dylan, tu nous tiens au courant, on se rappelle lundi, ok? Allez, ça marche. Allez, rendez-vous lundi, 8h57. Lundi. On revient tout de suite sur Énergie avec David Guetta. Et à 9h10, c'est les infos de Glandu. Ouais. Le vendredi, il ne donne pas des réponses à des questions que personne ne se pose, il donne des réponses aux questions que vous lui posez en envoyant vos questions sur l'application Manu dans le 6-9. A tout de suite. Manu dans le 6-9. Écoutez Manu. Écoutez Manu. Sur Énergie. Gagnez 10 000 euros dans le cash-cash sur Énergie avec Coé à 17h30. Bonjour, je m'appelle Coé, on est sur Énergie, comment ça va? Je suis sous la pluie, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi t'es sous la pluie? Ben, parce qu'à Nice, il pleut. Attention, ouverture de l'enveloppe. Oh là là. Quoi? J'ai pas gagné. Bénédicte, tu gagnes 10 000 euros. Ah, putain. 10 000 euros, les amis! Ah, oh là là! 10 000 euros qu'on va vous envoyer dans quelques jours! Ah, génial! Oumi, ma chérie maman, a gagné 10 000 euros, t'es contente? Oui! Inscrivez-vous maintenant en envoyant Coé au 7-10-12. Tiens, encore une bonne nouvelle de Carrefour Market. J'ai un bon karma en ce moment, il m'arrive plein de bonnes choses. C'est une très bonne nouvelle, Saint-Michel, parce que jusqu'au 4 novembre chez Carrefour Market, vous pouvez tenter de gagner l'une des 121 Renault Twingo. Avec la chance que j'ai, je sens que je vais gagner. Je vous le souhaite, Michel, et profitez-en parce que ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de gagner une voiture. Tutut, je file faire mes courses. Carrefour Market. Renault Twingo Life, vignette à collectionner à chaque passage en caisse. Jeu avec obligation d'achat, voire modalité et règlement du jeu sur carrefour.fr. Écoutez l'effet d'un arrivage anniversaire trop fort, Brico Dépôt. 69 euros. 69 euros! Eh oui, le radiateur à inertie sèche Nelwatt est au prix exceptionnel de 69 euros. 69 euros seulement pour ce radiateur avec son cœur de chauffe en céramique, permettant une montée rapide en température et une diffusion optimale de la chaleur. Ça, c'est trop fort! Ah oui, c'est fort, mais vous n'en faites pas un peu trop? Ben, c'est nos 25 ans quand même. Depuis ce matin 7h en quantité limitée. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en deux mots. Le Ford EcoSport pour aller au travail, c'est pas mal, non? Et d'un autre côté, le Ford Kuga pour aller en forêt avec les enfants, c'est top. C'est vrai, mais quand on va en soirée, il nous faut le Ford Edge. On a parlé l'EcoSport? Le plus dur, c'est d'en choisir un. Pendant les Ford Days, retrouvez la gamme Ford SUV à partir de 159 euros par mois. Les Ford Days, c'est chez Ford. LLD 48 mois, 40 000 km pour un EcoSport Trend 1 litre, 100 chevaux, premier loyer de 2390 euros. Offre réservée aux particuliers valable jusqu'au 31 octobre, sous condition de reprise d'un véhicule éligible, selon stock disponible. Si acceptation par Bremen et Lise, voir Ford.fr. Aujourd'hui chez Géant, venez vivre la sortie du disque le plus attendu de l'année. L'album Mon pays c'est l'amour de Johnny Hallyday, édition collector, est au prix de 15,30€. Oui, 15,30€ incluant une remise de 2,69€ créditée sur votre carte de fidélité. Un rendez-vous incontournable pour des millions de fans. Les prix bas, c'est... Et grâce à l'application...